C'est quelque chose. C'est clair. Là, je demande à être rajouté ceux qui sont partis. Ajouter les contacts. Je vais faire une compagnie. Voilà. Il y a la soeur. Le frère Mamadou. Je suis en train de rajouter les gens qui sont partis. Beaucoup ta sœur, hein? Tu vois? Vous allez bien? Ah? Vous allez bien, mon frère? Très bien, par la grâce de Dieu. Tu vois comment il sourit, non? Ah, par la paix. Là, tu fais ici, on voit. Et toi, ça va? Oui, ça va bien. Je suis dans la joie. Le jeune est du pasteur. Oh, le Seigneur est bon. Ça, c'est le commencement. Le frère Pierre, où? Le frère Pierre, normalement, il s'est seulement déconnecté. Il n'est pas quitté du groupe, hein, je pense. Ce n'est pas la peine de continuer à nous. Attends. Parce que je crois que lui est seulement quitté du groupe. Voilà, il s'est juste déconnecté, il n'est pas quitté du coup. Ben, je vais l'envoyer. Je vais envoyer un message. Le frère Julien est connecté même, hein. Apparemment. Les autres là sont où? La soeur Carole est là. Oui, je suis là, ma soeur, je suis là. Comment tu es silencieuse comme ça, ma soeur? Je n'ai pas voulu te déranger, quoi. Qui, ma soeur? Ma soeur! La soeur Christiane est là. Oui, la soeur Christiane, la soeur Yolande, la soeur de la soeur Yolande, elle regarde comme ça. Tu vois, c'est bon, comment tes yeux vont comme ça. Oh là là. Tu as rajouté tout le monde, ça. Mais j'ai rajouté tout le monde, c'est là pourquoi je ne les vois pas. Là, ils ne sont pas connectés, là. Témoigner cet amour. Je vois, ils sont connectés ici, mais... Nathan vous dit bonsoir. Bonsoir, Nathan. Bonsoir, il dit talent. De toute façon. Et dis, les hommes là sont où? Alors mes sœurs, cherche toujours à se diviser. Voilà qui est bizarre, mes amis. Ah, vous avez multiplié les nombres, si cela donnait la vie. Et dans chaque groupe, là, nous avons une division. Alors, c'est quoi? C'est quel amour? Bonjour. Édition spéciale de la France dans la sainteté. Bonsoir et bienvenue à tous les connectés et tous les connectés avec eux à Saint-Égui. Bonsoir. La sœur Yolande Bibiche, bonsoir et bienvenue dans la France dans la sainteté, édition coupure des jeunes. La sœur Paul Gertrude, bonsoir du côté de Bordeaux, bonsoir. Je crois que ton micro est fermé. Bonsoir mon frère, bonsoir. La sœur Flora, bonsoir. Après une brève visite du côté de chez ta sœur, ça s'est bien passé, n'est-ce pas? Tu as renouvelé les forces. Oui, par la grâce de Dieu. Oui. On traverse la Normandie ou bien de l'autre côté de la Manche. On trouve le frère Benjénite. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Benjénite. Je crois que tu devais ouvrir votre vidéo alors pour qu'on vous voie également. On a assez vu la photo avec la méditation einsteinienne. Donc, c'est que tu me dis trop. Ouais. La sœur Carole, bonsoir et bienvenue. Carole Châtelonne, ma sœur bien-aimée. Shalom, shalom, bonsoir. Voilà, là, on la voit. Du côté, je crois que c'est dans la chambre ou dans la cuisine. C'est la sœur, c'est le frère Benjamin qu'on ne voit pas encore. La sœur Sandra Kazemi, bonsoir et bienvenue. Shalom, ça va? Comment tu vas? Je suis là présent en chair et en os. Et avec la voix tonifiante, n'est-ce pas? Mais on ne te voit pas déjà. Je t'ai manqué, comment on ne te voit même pas déjà? Et on ne te voit même jamais. Ouvre alors la vidéo. Du côté de Véry Châtillon, à Bougainville, bonsoir, Madame Julie Gabo. Bonsoir, oh, j'ai pas bien suivi. Oui, ça c'est la surprise. C'est aujourd'hui qu'on coupe le jeûne, non? Ou bien c'était hier? C'était hier, frère. Ouais, si vous avez mangé en disant ouf. Bon, là vous voyez le frère Benjénite, vous voyez que la personne qu'on voyait sur la photo n'est pas la même personne, du moins avec la différenciation de la barbe, n'est-ce pas? La sœur Kétia, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir à tous. Ça va? Oui, ça va, pardon. Voilà notre bien-aimée sœur Carole. Vous la voyez bien là, en position. Voilà. Vous allez voir le frère Benjénite maintenant. Vous le voyez là. Voilà. On peut commencer, n'est-ce pas? Vous êtes présent? Amen. Mm-hmm. Je crois qu'il y a des personnes en passant en attendant que des gens se connectent pour qu'on cause. La sœur Laura, ça va? Tout va bien? Voilà, bisous aux enfants qui se trouvent là-bas et à ton mari aussi. Le frère Benjeni, ça fait longtemps que tu m'as oublié. Je descends et te vois plus. Je ne t'ai pas oublié, frère. Toujours là, toujours à me dire. Dès que tu es occupé, je suis là. Moi, je suis ravi de pouvoir t'avoir une fois de plus. Ça fait longtemps, nous, on t'a pas vu dans le pays. Ça va aller. On a des travails du côté avec. Je suis en train de travailler avec le genou. Je travaille à genoux pour vous, ça va aller. D'accord? D'accord, frère. Voilà Sandra Casimir que vous voyez là maintenant. Ça, c'est. Voilà, vous allez la voir maintenant. Voilà, vous la voyez, n'est-ce pas? Sandra, dis un bonsoir à tous les frères et sœurs. Voilà. Elle vous a fait un coucou, n'est-ce pas? J'espère que vous allez bien. Ça fait bien partie des jeunes pour vous. Je crois que pour le jeune, on en parlera dimanche de plein fouet parce qu'on aura assez de temps, n'est-ce pas? Si vous le voulez bien. Oui, frère. On va parler parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées courant du jeûne, n'est-ce pas? Oui. Alors, en attendant que les Exactement, autres. Exactement, frère. En attendant, je ne sais pas s'il y a un décalage. Vous m'entendez bien, c'est clair? Oui. Oui, oui. Oui, on entend, frère. Oui, c'est bon. Alors, quelqu'un a-t-il des questions? Si on n'a pas de questions, je vous dis ce que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur aujourd'hui. C'est un succès. Voilà. La dernière fois, quand on s'exhortait toujours le mercredi comme ça, il y a la sœur Anne qui a dit qu'elle avait arrêté son jeûne parce qu'elle a fait un rêve. Et apparemment, dans un des enseignements, tu avais dit que quand on fait un rêve ou on mange ou c'est un truc, on doit automatiquement arrêter le jeûne. Bon, nous, on était en train d'expliquer que peut-être c'est cas par cas, en fait. C'était le cas du Cameroun. Et peut-être que c'est un jeûne spécifique. C'est pas pour tous les jeunes, en fait. Et on voulait que tu nous expliques un peu par rapport à ça. Ben, attendons qu'elle se connecte. Alors, on parle, parce que c'est très bien de parler de cela, n'est-ce pas? Exactement. C'est un bon sujet. Il faut qu'on aborde cela pour qu'on puisse bien comprendre. Des questions? La sœur Nafissa Lâché, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse, vous de la France qui avez décidé, et les autres en Allemagne qui avaient décidé de faire des réunions même quand je ne suis pas disponible. Parce que si le Seigneur me dit de me retirer pour travailler en secret, je ne suis pas, ce n'est pas toujours possible que je vous dise que je ne serai pas disponible. Donc puisse le Seigneur nous guider et permettre à tous ceux dont là. La sœur Nafissa, il y a derrière le bruit chez toi. Donc, continue. Sachez que le groupe a été fait pour que vous travailliez dans la parole, vous édifiez dans la parole. Donc, même si je ne suis pas là, c'est bien que vous avez fixé ce jour et j'ai décidé que je vais vous surprendre aujourd'hui, on va travailler ensemble. C'est comme ça qu'il avait fait avec chacun de groupe. Et même quand vous partagez, quand je ne suis pas là, je suivais ce que vous faites et je lis les pensées des uns et des autres. Des moments de tension, des moments de calme, des moments d'amour, de partage. Et ce qui peut en découdre, je vous surveille. Voyant le bon ordre qui règne parmi vous, et je loue le Seigneur pour cela, parce que je sais que c'est votre cœur qui est travaillé. D'une façon ou d'une autre, si quelqu'un vous blesse, ou bien si une parole vous choque, vous rentrez en vous-même, et puis le Seigneur vous parle et vous console, vous guide et vous dit si vous avez tort ou raison, et puis vous demandez pardon à votre soeur et à votre frère. C'est le but de cela. C'est réunir pour s'édifier et non pour se diviser et se détruire. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas, mes soeurs et frères? Amen. Exactement. Amen, amen, frère. Donc souvenez-vous, amen, que ce soit sur les groupes de WhatsApp, je vous lis. Je lis attentivement chacune des choses. Lorsque je travaille avec 2h, 3h, quand je suis calme, maintenant je lis tout ce que tous les groupes font. Tout ce que vous publiez, tout ce que vous faites dans chacun des groupes, je lis. Que Dieu vous bénisse. Donc, s'il n'y a pas de questions, on passe du temps dans les Écritures, dans les Saintes Écritures maintenant. Je crois que le frère Benjamin a décidé, il a dit que sa barbe n'est pas bonne, donc il coupe la vidéo. Non, frère, ma connexion dérange un peu, ce qui fait que lorsque j'ai la caméra allumée, là, c'est un peu plus dérangeant. Ok, la bande passante chute alors. Ok, des questions, si vous avez des questions, posez des questions. Oh, la sœur Carole a disparu, c'est comment? Je ne la vois plus. Donc, on va revenir dans le jeûne proprement dit dimanche, plaise au Seigneur. Si vous le voulez bien, vous permettez qu'on travaille, on travaille. À moins que vous... Oui, la sœur Paul, j'ai tué. Non, pas de questions. Oui, frère, c'est dans le livre de Osée, mais je ne sais plus où. La Bible, ça déclare que défichez-vous un champ nouveau. C'est dans le livre de Jérémie. Chapitre 4. Jérémie, chapitre 4. Oui. Le champ nouveau, là, c'est quoi, frère? On va travailler en plein, là. C'est pour ça que nous sommes là-dedans, d'accord, dans le jeûne. Le jeûne n'est pas terminé. Quand vous allez reposer, vous pouvez encore relancer. Vous avez intérêt à travailler parce qu'en France, ça va barder. Voilà le pourquoi. D'accord? Amen. Vous allez voir la différence entre ceux qui servent Dieu et craignent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Vous allez voir. Attendez seulement juste un peu. Donc, champ nouveau. Je ne sais pas dans quel enseignement j'en ai parlé. Bon, de toute façon, on va revenir là-dessus le dimanche. Parce que c'est le but pour lequel le Seigneur nous a envoyé là-bas pour qu'on travaille. D'abord, je vais vous mettre d'abord dans le bain. Si vous lisez Marc au chapitre 4, le livre de Marc chapitre 4, vous allez remarquer que dans la parabole de la semence, la Bible appelle le cœur la terre. Vous me suivez, n'est-ce pas? C'est-à-dire, dans la parole, allons-y là-bas, lisons ça rapidement. On lit tous en flash et puis on y revient. Marc au chapitre 4. Je conseille, plante le décor pour dimanche. La sœur Laura, que le Seigneur te bénisse. La sœur Laura, je te suivais bien. Ne t'inquiète pas. Ça va aller. À la fin, on va entrer dans le royaume. Vous vous souvenez de notre sœur de la Côte d'Ivoire qui est entrée dans la gloire, n'est-ce pas? Dans la gloire. Dans la gloire. D'aucuns peuvent penser que non, il faudrait qu'on prie, on invoque la miséricorde du Seigneur pour qu'elle soit guérie. Bon, de toute façon, ce n'est pas le moment. Marc chapitre 4. Vous y êtes. À partir du verset 1, la Bible déclare, Jésus s'est mis de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en parabole et il leur dit dans son enseignement. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Vous entendez, n'est-ce pas? Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute des racines. Veuillez suivre dans votre Bible, nous sommes verset 6 maintenant. Une autre partie tomba parmi les épines. Vous y êtes, parmi les épines. Les épines montaient et l'étouffaient et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Soulignez bonne terre. Soulignez. Bonne terre. Voilà. Une autre partie, nous sommes au verset 8 enfin. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Et elle rapporta 30, 60 et 100 pour 1. Puis il dit que celui qui a des oreilles entend. Et souvenez-vous, il y a de parler, c'est un parabole. Le frère Pierre Moa, bonsoir et bienvenue. Vous le voyez sur son livre. Bonsoir, shalom, frère. Shalom. Vous voyez effectivement que lui, il est surpris de me voir ce soir. Ah, c'est un. Et j'ai beaucoup pensé dans mon cœur. Oui, et tu vois, c'est. Et en deuxième lieu, vous voyez qu'avec sa barbe, il fait la compétition avec le frère Benjenet. Mais il n'y a pas de problème. Bonsoir et bienvenue. Je suis fier d'être parmi vous. Donc, ma soeur Paul Gertrude et tous les autres, dans cette parabole, il est clairement identifié le cœur. Parce que si vous voyez, on va à partir du verset 14. Verset 14 dit, le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. En eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pureux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la bonne semence, la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole. Mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour un. Donc dans cette parabole-ci, et si vous lisez encore la suite de cette parabole dans le livre de Luc au chapitre 8, nous voyons effectivement que la terre symbolise dans le langage de Dieu pour qu'on puisse avoir des semences à l'intérieur. La terre symbolise le cœur. Le frère Olivier de Chine, bonsoir et bienvenue. Il nous entend. Alors, dans ce Jérémie chapitre 4, donc, quand la Bible déclare des fraîcheuses au fond, on chante nouveau. Vous voyez effectivement dans le contexte de Jérémie, c'est l'endissement du peuple, le peuple qui s'est éloigné de Dieu par l'endissement, par l'idolâtrie, ainsi de suite. Et il faut que le cœur soit réformé. Donc, des fraîcheuses vont quand un chant nouveau, ça veut dire qu'on entre en soi-même pour sonder le cœur et puis on peut extirper. En utilisant le langage des gens qui vont au champ, les juifs comprennent mieux parce qu'ils étaient faits en majesté des gens des terres. C'est la même chose que le Seigneur Jésus-Christ est en train d'employer ici, le grand prophète. Qu'est-ce qu'il fait? Lorsque vous allez au champ, pour ceux qui connaissent bien le champ, si vous n'êtes pas encore allé, nous n'êtes pas encore allé au champ, c'est normal, donc c'est une chose comme ça de la Bible, ne saisissez pas. Nous qui avons grandi près du champ, quand nous lisons ça, nous comprenons bien ce qu'il faut faire. Lorsque la période de la semence doit venir, c'est-à-dire que lorsqu'on prépare la terre pour la semence, on dit en anglais, c'est pas comment vous appelez ça en français, to till the soil, till, to till. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider ici là maintenant. On dit, you have to till the soil. On ne sait pas comment vous pouvez voir, on dit ça en français. Donc, on tourne le sol. Quand vous prenez la dernière récolte, la terre reste inculte. Les herbes y poussent et au-delà. Quand on défriche, à un moment donné, donc, on tourne le sol. On tourne. On fait ces sillons là au-dessus. On tourne. Pour que la terre respire. L'oxygène entre et que la terre renouvelle. Ce qui était en bas rentre et puis en haut. Et puis ça produit, donc ça prépare la terre à recevoir la semence. Lorsqu'on le fait, quand la pluie tombe sur elle, la semence qu'on a mis en terre, c'est terrible. C'est ça que Dieu a dit. Donc en réalité, même dans les champs, les gens font la parole de Dieu sans t'en rendre compte. Ils ne savent pas qu'en faisant ça, c'est ce que Dieu veut qu'on fasse dans notre être humain. Donc en réalité, tout ce que Dieu a créé est prophétie. Prophétie pour nous pousser à nous relier à lui de la bonne façon, tout simplement. D'accord, la Seigneur Jésus-Christ. Nous allons travailler en plein là-dessus. La France dans la sainteté, on arrive. Le Seigneur est à l'œuvre avec vous. J'ai réitéré mon bonsoir à mon frère du côté de la Chine, le frère Olivier. Bonsoir et bienvenue dans l'édition spéciale de la France dans la sainteté. Bonsoir bien mes frères Junior. Maintenant, bonsoir bien mes frères et Sergio. Salut au nom de Jésus. Amen. Maintenant tu m'as eu saint sur saint, n'est-ce pas? Bonsoir. Je crois que ma mémoire est bonne. Je crois que si ma mémoire est bonne. Voilà ma petite fille des. Je suis saint sur saint vidéo. Oui. Voilà ma petite fille. La petite fille d'assez, j'ai tout là-bas. Qui me salue là. Bonsoir mon bébé. Il faut qu'elle va voir ma mère maintenant en gros pour caractère. Alors, le frère Olivier, on a un rendez-vous manqué, c'est ça? Oui. Justement. Mais le Seigneur a l'œuvre. Amen, amen, amen, amen. J'avais dit quelque chose à madame, je ne sais pas si c'est à toi, j'avais dit, je crois que c'est bien toi, parce que ça m'entraîne encore vers toi, encore une fois de plus. J'avais dit quelque chose à madame, tu te souviens, une fois on travaillait, j'ai dit quelque chose à madame, parce qu'il y a quelque chose qu'il doit faire pour que les choses reviennent. Ça c'est les dons, c'est les visions, les rêves. Qu'est-ce qu'il y avait dit? Tu peux réitérer? J'avais dit, parce que sur le plan, quelque chose à laisser préparer. J'avais dit cela. Madame, elle là, elle a vision, songe et la prophétie, le don de la prophétie aussi. Oui, dis-moi donc. Bon, ou bien on entre dans l'enseignement. Oui. Le frère Pierre, des questions, frère Benjenit. Oui, la sœur Sandrine a pris son cahier de questions, ou bien de cahier de notes. Elle a levé le stylo comme une étudiante. Oui, frère. Oui. Il y a des questions, mais c'est des questions par rapport à ce qu'on a, on s'est dit la mercredi passé. Ok, voilà, parce qu'en fait, mercredi passé. Non, ça va, j'ai suivi ce que vous avez parlé. Je vous lis et puis je vous écoute. Ah, mercredi passé. Ok, d'accord. En fait, c'était par rapport à. On a parlé de. C'était par rapport à l'Apocalypse 7. Et on a lu. C'était le verset. Là, après, on avait des questionnements. Hein. On avait des questionnements. On s'est débrouillé un peu. Arrêtez, ça tourne autour du Saint-Esprit, des élus, les 144. D'enlèvement. Voilà, exactement. Exactement. Et là, la question que moi je pose par rapport à ce texte, parce que je me suis dit, on s'est dit que pourquoi la tribu de Dan était exclue, en fait, des 12 tribus qui allaient hériter des 144, disons, pourquoi la tribu de Dan était exclue. Donc, la question que je me suis posée, en fait, c'est que toutes les tribus d'Israël ont péché plus ou moins. Hein. Parce que quand on lit dans Osée, dans Jérémie, on voit que tous ont fait des conneries, quoi, en fait. Et là, il n'y a que la tribu de Dan qu'on a exclue, en fait. Question, pourquoi? Et là, la question, c'était pourquoi. Ben, on a essayé d'expliquer entre nous, mais bon, je n'avais pas vraiment une bonne réponse par rapport à l'exclusion de la tribu de Dan. Je crois que le frère Olivier, vous avez des propositions ce soir, sinon on va dans les Saintes Écritures, on voit le pourquoi, parce que le pourquoi se trouve dans les Saintes Écritures. J'ai des questions aussi. Ah, c'est fort ce soir. Donc, au lieu de poser la réponse à notre frère et à ceux qui ont débattu, tu as encore davantage de questions. Bon, examinons cette petite question. Enfin, je crois que c'est déjà répondu dans des enseignements sur Bamba Eba, d'accord. Cet questionnement, c'est particulièrement de la tribu de Dan. Effectivement, si vous lisez les 144 000 personnes des 12 000 de chaque tribu, vous allez remarquer effectivement que dans cette tribu-là, la tribu de Dan est exclue. La question, c'est pourquoi n'y a-t-il pas quelqu'un là-bas? N'allez pas croire que peut-être c'est une autre classe de témoins de Jéhovah qui vont sortir. Non, ça n'a rien à voir avec le témoin de Jéhovah. Leur cas est réglé, que c'est du mensonge et de l'hérésie totale. Maintenant, la Bible révèle le pourquoi. Maintenant, avant d'avancer dans les Saintes Écritures pour voir ce qu'il en est, il faut qu'on dise certaines choses d'abord, dès le départ. Si vous êtes d'accord, on parle. On peut parler. Donc la question, c'est pour ceux qui n'ont pas bien saisi ce qu'il a dit. Il est question dans le livre des Apocalypse chapitre 7 et chapitre 14, des 12 000... des 144 000 personnes, 12 000 de chacune des tribus d'Israël. Et ce qui est curieux, c'est que le Saint-Esprit met là-bas des fils d'Israël sans mentionner Dan. Pourtant, Dan, c'est l'un des fils d'Israël. Curieusement, il n'y a pas maître Joseph qui avait. Oh mon Dieu. Et puis, Lévi qui était l'héritage des dieux, il est mentionné également. Bon, maintenant, ce qu'il veut dire, c'est que on va aller pas à pas pour bien comprendre la chose. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut d'abord examiner. La première chose, c'est que. Très souvent, si vous lisez la Bible, vous allez voir ce caractère si haut dans le Seigneur. C'est qu'en réalité, vous pouvez ne pas tolérer quelque chose ou bien croire que ceci n'est pas important, comme les gens le disent. Pourtant, Dieu tient cela dans la rigueur. N'est-ce pas si vous saisissez? C'est-à-dire que vous pouvez croire que telle chose, vous avez fait une très grande chose, c'est grave pour vous. Vous pensez vous-même, en vous jugeant vous-même, que c'est très grave. Dieu ne considère même pas cela. Vous pensez que en réalité ce que vous avez fait est minime et petit, non, que Dieu va passer là-dessus. Dieu n'est pas quand même trop méchant pour comprendre cela. Il va comprendre. À l'instant où vous pensez ceci, c'est justement dans cette petite chose que Dieu condamne au plus haut point. Et c'est pas ce que vous saisissez. C'est ces deux principes si vous devez vérifier. D'abord, ça dans les Saintes Écritures. Et puis, vous expliquer avec les exemples. Mais avant cela, il faut que je dise bonsoir à notre frère Guy Richard qui vient d'arriver. Bonsoir, frère Guy Richard. Bonsoir. Ne t'inquiète pas, nous ne sommes pas dimanche, mon frère. C'est vraiment mercredi. Shalom, shalom, shalom. C'est mercredi aujourd'hui, n'est-ce pas, frère Guy Richard? C'est pas dimanche. Oui, oui, c'est mercredi. Ce n'est pas une conspiration, d'accord? C'est une surprise de la page. Voilà. Alors, maintenant, je vais continuer. Donc, regardez bien, je dis encore, il y a deux choses à bien considérer. Dans la Bible, si vous lisez les Saintes Écritures, vous allez remarquer que dans la Bible, il y a des choses qu'on va considérer comme graves et Dieu, lui, ne voit pas de mal à cela. Des choses que les gens vont considérer comme, c'est quoi cette histoire? Et Dieu se trouve impliqué au point où ils peuvent déchirer même les cieux pour descendre. C'est deux choses dont vous devez considérer cela avant qu'on avance dans ce questionnement. Vous allez voir, vous voyez Moïse. La Bible dit de Moïse qu'il était l'homme le plus patient sur toute la terre, n'est-ce pas, frère? Vous avez moi? Oui. Ok, donc okay. La Bible dit de Moïse, l'attestation qu'on dit de lui, la confession que Dieu dit de lui, c'est qu'il était l'homme le plus patient. Plus patient qu'aucun autre homme sur toute la terre. Lorsqu'il était sur la montagne dans le livre d'Exode chapitre 32, Dieu lui fait état du fait que le peuple qu'il a fait sortir de l'Égypte s'est corrompu, s'est détourné promptement de lui. Ils se sont fait un veau d'or. En descendant de la montagne, fils de Noun va dire à Josué en entendant des cris, il va dire que c'est le cri de guerre ou c'est le cri, il dit ce n'est ni le cri de combat ni le cri de victoire, mais ce qu'il entend là ce n'est pas bon. Quand il descend effectivement, il trouve que Aaron avec le peuple qui était resté s'était fait un veau d'or. Après 40 jours qu'il était monté sur la montagne. Vous vous souvenez de cet événement, n'est-ce pas? Quand Moïse va descendre, qu'est-ce qu'il va faire au peuple? Je veux que vous posez la question. Je vous pose la question. Qu'est-ce qu'il va faire? Il était vexé. Et quelle était sa réaction? Quand il voyait le peuple, adorer le veau d'or. Oui. Et cela, il était irrité, cela lui a poussé à briser même, comment on appelle, les tables, comment on appelle, de la loi. Notez bien cet extrait. Les tables des 10 commandements, autant pour moi, les tables des 10 commandements. Il a brisé les tables des 10 commandements où Dieu lui-même, de ses propres mains, avait écrit. Le verset 16 du chapitre 32 de Genèse, d'Exode dit que c'était Dieu qui avait écrit, l'écriture était le doigt de Dieu. Donc il est descendu à les 2 tables. Oui. La colère s'est enflammée au point où il a brisé cette table. N'est-ce pas, frère? Ça, c'est un. Pas vrai? C'est vrai. Il a encore brisé quoi dans sa colère? Personne ne veut répondre ici. Oui, c'est comment? Vous n'avez pas encore lu Exode, mes frères? Allons-y, Exode chapitre 32 rapidement. Il faut qu'on réponde à cette question-là. Quand il pose la question, c'est pour vous laisser le soin de répondre pour qu'on avance. Il ne me dit pas que c'est la pression qui vous fatigue comme ça. On y va. On y va. Exode 32. Verset combien? Exode 32. Regardez bien. Je vais lire à partir du verset 6 parce qu'il va faire des gymnastiques là-dedans maintenant. Verset 6 du 32, Exode. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis se levèrent pour se divertir. Gardez bien ce mot, c'est divertissement. Ah non, il faut qu'on se divertisse un peu. Il faut qu'on pas changer d'air. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, c'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un vol en fonte. Ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Vous y êtes? L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte? par une grande puissance et par une main forte. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens, gardez bien ces mots-ci, reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Qui parle là, frère? C'est Moïse qui dit à Dieu. Que Dieu fasse quoi? Que Dieu revienne de sa position où il a déclaré. Ça, c'est un. Et qu'il fasse quoi? Qu'il se répande de ce qu'il a formé contre le peuple d'Israël. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils posséderont à jamais. Et l'Éternel s'est repenti du mal qu'il avait fait déclarer vouloir faire à son peuple. Donc un homme a convaincu Dieu de se repentir pour parler de l'intercession. Amen. Maintenant écoutez, verset 15. Moïse retourna et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des doigts des deux côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables, verset 7, étaient l'ouvrage de Dieu. Et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables, dont les 10 lois étaient. Donc, c'est Dieu qui a artistiquement coupé les tables, quoi, la pierre, et c'est lui-même son doigt qui a gravé là-dessus. Maintenant, suivons cela. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et dit à Moïse, il y a des cris de guerre dans le camp. Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les gens dansent. La colère de l'Éternel s'enflamma. Il a reproché à Dieu tout à l'heure quoi? De ne pas se mettre en colère, de se repentir. Voilà. De sa colère. Oui, maintenant, suivons lui-même quand il sera arrivé de son tour. Maintenant. Tu sais, on est prêt à dire que les autres se repentent, mais on ne peut pas se dire c'est qu'on se repent nous aussi. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Ça. Quelque chose que Dieu lui-même a œuvré. Il a pris le caillou, il a coupé, écluse, il a cassé. À cause de quoi, frère? La colère. Verset 20. Merci. À cause de la colère. Merci. Il prit le veau qu'ils avaient fait. Écoutez, très en moi, j'arrive quelque part. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu et le réduisit en poudre. Répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. On y va. Amen. Ok. Maintenant, écoutez, très en moi. On y va. Je vais dire quelque chose, mais si vous ne saisissez pas, il n'y a pas de problème. Un de ces jours, j'y réunis. Je vais garder votre cas et puis vous me regardez. Vous me voyez sur l'écran, n'est-ce pas? Oui. Bon, je vais dire quelque chose. Regardez-moi bien pour qu'ils disent cela. Ils sont sortis de l'Égypte ayant le Dieu en eux et le portant sur eux. Dieu s'étant éclipsé dans sa présence, comme il avait fait dans la Genèse, après la création de l'homme, ils ont cherché des voies à trouver Dieu par eux-mêmes. Le Dieu qui était en eux, qu'ils avaient appris en Égypte, s'est manifesté avec ses attributs sur eux. Ils ont représenté ce Dieu-là pour les voir, parce qu'ils veulent voir Dieu, pourtant Dieu est esprit. Lorsque Moïse a vu qu'ils ont fait cela en sortant ce qui était en eux avec ses attributs à l'extérieur, il a fait rentrer cet attribut à l'intérieur d'eux. Vous m'entendez? Franchement. Vous m'entendez, n'est-ce pas? Mm-hmm. Il y a des choses, je vais dire des choses plus tard concernant ce que je suis en train de développer là maintenant. Donc en réalité, ça n'a pas été détruit le désir de manifester le veau d'or. Le désir du veau d'or se trouvait à l'intérieur d'Israël. À l'intérieur d'eux, c'est rentré en eux. Je ne sais pas si vous me suivez. Amen. C'est répandu, c'est brûlé, c'est devenu en cendre. Versé dans l'eau, ils ont bu. Ça doit devenir quelque chose. Souvenez-vous quand Jésus a dit à la femme samaritaine que s'il donne son eau, ça va aller dans les entrailles, ça va jaillir jusque dans l'éternité, n'est-ce pas? Amen, c'est ça. Ok. Maintenant, souvenez-vous de là, je suis parti. Je suis parti du fait que Moïse était l'homme le plus patient. Mais maintenant, on a deux aspects de ce que Moïse a fait ici. Moïse avait intérêt à traiter ces gens-ci de cette façon-ci. Mais de notre côté, en traitant comme ça, il prophétise qu'Israël va ressurgir avec cette affaire-ci plus tard. Parce que le cantique du chapitre 32 de Deutéronome nous dit ça clairement. Que quand ils vont entrer dans le pays, là, ils vont encore se faire de servir d'autres dieux, de dieux que leurs pères n'ont pas connus, et Dieu va les détruire en les envoyant, les chassant de la nation. C'est de là où il va les appeler. C'est ce qui est écrit dans le cantique. Alors donc, ce que Moïse fait donc est prophétique. Parce que quelque chose est censé arriver. De l'autre côté, je ne sais pas si ma connexion, bon, si vous m'entendez vraiment bien, que je ne parle pas en l'air. Vous m'entendez bien, vous, tout le monde? Amen. Oui, frère. Ok. De l'autre côté, donc, Moïse, qui était patient, non seulement a brisé la colère, quoi, les tables de commandement faites par Dieu, de l'autre côté, il est force à boire. Mais ici, il se place en tant que juge. Et il a grandement arrangé pourquoi son grand frère, ou pourquoi il a laissé le peuple se corrompre ainsi. Maintenant, regardez, allons-y au chapitre, la fin là. Vous y êtes. Verset 30, regardez. Le lendemain, Moïse dit au peuple, c'est là que je vais m'arrêter pour continuer. Le lendemain, nous sommes au chapitre 32, verset 30 encore maintenant. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis quoi? Un grand péché. Voilà. Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être. Soulignez peut-être. J'obtiendrai peut-être quoi? Le pardon de votre péché. De votre péché. On va le surveiller. Il va monter. Je pense qu'on va suivre la conversation. D'accord, frère? Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, ok, je pardonne. Je ne vais pas effacer ton nom dans le livre des vies. Amen. Non. Non. Il a dit à Moïse. Mon frère, il dit que c'est celui qui aura péché contre lui. Il dit que c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai son nom. Ok. J'effacerai de mon livre. Ok. Maintenant, s'il vous plaît, je veux que chacun ouvre sa vidéo, même pour quelques secondes, et puis on va causer maintenant les yeux dans les yeux. La sœur Laurent, on sait très bien que du côté de Bordeaux et puis de l'autre côté des déménagements, là, la connexion est fluide. La sœur Yolande, on sait effectivement que les vibrations des puissances, les ondes sont claires là-bas. Mettez les vidéos et vous posez une question concernant ces versets. Ok, déjà, vous tous, vous avez déjà lu la Genèse, quoi, l'Exode, le livre d'Exode, n'est-ce pas? Oui, frère. Vous voyez pourquoi c'est déjà d'enseignement? J'aime enseigner avec les gens devant moi parce que vous êtes l'écran si nous crée des problèmes. Puisse Dieu nous donner de nous rencontrer physiquement. Ouais, parce que je sens de parler avec la machine là maintenant. Peut-être que je peux parler comme ça. Nafi est en train de prendre le gâteau pour donner à l'enfant ou le biscuit de ce côté-là. Elle ne veut pas saisir ce que je suis en train de dire. Oh, maintenant, vous êtes. Bon, il ne veut pas ouvrir la vidéo. Je suis obligé de passer là maintenant. Ouvrez Nombre chapitre 14. Nombre. Vous y êtes? Oui, frère. Non, moi, j'aurais souhaité dire des choses dans le livre de Genèse, mais vous n'êtes pas partant, vous ne collaborez pas. Donc, toute l'assemblée, verset 14, chapitre 14, partie verset 1, écoutez. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. L'événement du chapitre 14 des Nombres fait suite au chapitre 13. Où Moïse va envoyer 12 espions d'aller regarder, explorer le pays de Canaan où que Dieu leur a donné pour héritage. Il va choisir chaque personne de chaque tribu, et puis le fils de Noun et puis Caleb. ils vont partir. Parmi les 10, les 12 qui sont partis, 10 vont rentrer sous les yeux du chapitre 13, la partie du verset 23. La Bible déclare que le peuple va dire qu'il y a, il y a les enfants d'Anak là-bas. Nous étions à leurs yeux comme ils étaient comme des, nous étions les sauterelles à leurs yeux. À vrai dire, ce pays, c'est un des pays où coule le lait et le miel, dont la terre est fertile là-bas, comme Dieu a dit, mais Dieu avait oublié le détail des ennemis. Or, Dieu n'avait pas parlé des ennemis, ni des traces des ennemis, il n'en avait pas parlé, parce que c'était un test des fois. Maintenant, ici, se trouve dans le grand... Oh mon Dieu, la Bible aussi. La Bible aussi. Vous vous souvenez, dès mon développement, j'ai dit, il y a des choses, des fois, où vous faites quelque chose, vous pensez que c'est très grave, et Dieu n'y voit pas d'inconvénient. De l'autre côté, vous faites des choses en croyant que non, ce n'est juste une chose. Et je vais revenir sur ça dans un ensemble quand nous allons voir dans cette histoire de Jérémie et Osée. Vous voyez ici, le peuple va murmurer. Ils vont dire que c'était mieux qu'il meure en Égypte. Parce que quand on parle des enfants d'Anak et qu'on donne la proportion qu'ils étaient des fourmis comme des sauterelles à leurs pieds, j'aimerais bien que vous regardiez bien les sauterelles comme un criquet à votre pied. Vous voyez la proportion de la taille que pouvait mesurer cette personne. Ça suppose que même à la cheville, lorsqu'on regarde la hauteur, même à la cheville, il pouvait, l'être humain le plus géant de l'Égypte, d'Israël, ne pouvait pas atteindre cela. Et ils étaient dans le pays. Et Dieu leur avait dit qu'il donne ce pays. Il n'a même pas fait état du fait qu'il y a des enfants d'Anak là-bas. C'est quand ils sont allés découvrir qu'ils ont vu plutôt le danger qu'il y a là-bas. Ils cherchaient à fuir. La solution était quoi? C'était de lapider Moïse, qui a dû faire des naufrages. Il a dû faire des... Peut-être c'est le soleil qui l'a embourbé dans le désert au point où il a cru qu'il peut rentrer dans le pays. Donc il veut dire, le Dieu de Moïse ne savait pas que c'est la terreur qui habite dans ce pays. Ceci va amener le paroxysme à la désobéissance d'Israël. Chapitre 14, verset 1. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Soulignez, murmuraient. Vous vous souvenez, Exode chapitre 32, n'est-ce pas? Oui. Justement. Verset 2. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que nous sommes morts dans le pays d'Égypte ou que nous ne sommes morts dans le désert. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays? Vous voyez ce que l'être humain peut faire, frère? Où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? C'est terrible. Et il s'est dit l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Vous avez vu ça, frère? Mm-hmm. Lorsqu'ils avaient fait le vaudeau, qu'est-ce que Moïse leur a dit en sanction? Qu'est-ce qu'il leur a dit quand ils partaient vers Dieu? Verset 30 là. Il dit qu'il ne parle vers l'Éternel. Non, il a d'abord signifié au peuple ce qu'ils ont fait. Il a dit quoi? Il avait brisé le veau d'or, il a incendié, il a pris en poudre pour mettre dans l'eau et pour qu'il puisse boire. Le verset 30 du chapitre 32 nous dit qu'un renseignement avant de monter. Il leur a informé de ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Vous avez commis un grand péché. Un grand péché. Voilà, vous avez commis un grand péché. Je vous ai demandé de souligner, c'est parce qu'on va y revenir. Tout tourne autour de là. Je vous ai dit qu'il y a des aspects où Dieu se manifeste différemment. D'accord? Maintenant, notez, gardez dans votre esprit, ou mieux, vous notez Exode chapitre 20, verset 1 ou verset 5. C'est derrière, écoutez-moi maintenant, écoutez très attentivement. C'est derrière le commandement d'idolâtrie que Dieu dit qu'il est Dieu jaloux. Alors, on continue ici. Mm-hmm. Verset 4. Et il se dit l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. C'est terrible. C'est un peu comme les chrétiens qui... peut-être vont prier pour un sujet de prière, ça dure longtemps, ils ne veulent pas après dire non, c'est sûr que les affaires de chrétiens là, c'est pas une bonne affaire, ou bien c'est pas vrai. Retournons mieux, je rentre dans mon église catholique où j'étais, ou bien dans mon baptisme, ou bien rentre pas dans mon anonisme. On ne sait même jamais trop. Peut-être les Kémites étaient les vrais, peut-être les sources égyptiennes, parce qu'on dit que la Bible était un plagiat des sources grecques, c'était le cosmogénèse de la Bible a tiré sa source de l'Égypte ancienne, si ses racines là-bas, par exemple Zeus. C'est sa racine qui a donné Dieu. On ne sait jamais trop les choses. Donc ce sont des plages. Oh, vous faites ces choses-là, regardez bien ce que la Bible déclare, verset 5. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunné, déchirèrent leurs vêtements et parlaient ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. Et nous donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Verset 9. Seulement, ne soyez point rebelles contre Dieu et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. L'expression ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. J'aimerais y revenir dans un enseignement par rapport à toute la. Quand Satan règne dans un peuple et que son chef se manifeste sur place. Dans ce verset. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Verset 10. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Donc, vous voyez effectivement que les gens étaient réunis que si quelqu'un se dresse contre leur plan de rentrer en Égypte, on devait les lapider. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui. Je le frapperai par la peste, je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Souvenez-vous de ce qu'il a dit dans la proposition après à l'issue de quoi, le veau d'or. Il a dit cette chose-ci, n'est-ce pas, frère? Nous allons voir, et dans un autre enseignement également, nous allons voir que ce plan, ce que Dieu a mis en exergue à Moïse, ça s'est accompli. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens l'apprendront, eux, du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Et ils diront aux habitants de ce pays, ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuit et dans la nuit, dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Maintenant que ta puissance, que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il tient, écoutez bien, écoutez, soulignez ce verset-ci, il ne tient point le coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Maintenant, verset 19. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon ta grandeur, la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé. Vous y êtes? Vous y êtes? Amen. Oui, amen. Écoutez très attentivement maintenant, il veut lire quelque chose. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé. Mais je suis vivant. Et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Qu'est-ce que ceci a à voir avec l'événement qui est en train de se passer ici? Qu'est-ce que Dieu est en train de dire ici, après, à l'issue de dire, ah, la France dans la sainteté. Je crois qu'on va se voir, on aura noté tout simplement ces choses-ci. Le Dieu permet qu'on se rencontre physiquement, c'est un de ces jours, qu'on partage ces choses dans les profondeurs. Mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Verset 22. Tous ceux qui ont vu ma gloire, et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Les Amalécites et les Canaïens habitaient la vallée. Demain, tournez-vous et partez pour le désert dans la direction de la mer Rouge. Et c'était parti comme ça, mes chers frères, pour 40 ans. Vous y êtes? Le verset 34. Si vous lisez le verset 34, il va leur dire que demain, vous avez pris 40 jours pour explorer le pays, vous allez prendre un jour maintenant pour une année. Donc, ils devaient marcher comme ils ont marché pendant 40 ans. Vous y êtes? Nous sommes. Que le Seigneur soit béni dans sa parole. Maintenant, on commence à construire. Amen. On commence à construire maintenant. Gardez-vous à la question de notre frère. C'est Apocalypse chapitre 7 et chapitre 14. voyez que les questions bibliques, qu'on puisse amener à la compréhension, il faut vraiment. Dieu a mis des choses dans cette Bible, c'est comme un puzzle qu'on a saccagé, qu'il faut construire pour voir l'image ressortie. Et ce n'est pas chacun à qui on peut donner. Si quelqu'un n'a jamais vu le lion, vous lui donnez un puzzle qui est composé de lion, il ne saura pas ce que c'est, ni quel animal c'est, il ne pourra pas monter. Maintenant, écoutez très attentivement. Dieu, par Moïse, déclare le péché de l'idolâtrie comme un très grand péché. Vous avez moi? Amen. Amen. Ah, je veux souhaiter vraiment. Bon, allons-y dans le livre des deux rois. Je crois que c'est mieux qu'il crache le morceau. Allons-y. Maintenant, souvenez-vous dans le livre de Genèse. Si vous prenez Genèse chapitre 49, vous vous souvenez des. Ah mon Dieu. La France, vous permettez qu'on lise un peu quelque part avant d'arriver là-bas. Amen. Bon, okay. Je vais vous raconter deux histoires. Bon. Shalom. Ouais, bonne arrivée. Tu étais caché en crise, maintenant tu es sorti. Alors, regardez. Shalom, frère. Oui, shalom, bienvenue. Dans Genèse, notez Genèse chapitre 32 et Genèse chapitre 49. Je vais vous dire quelque chose dans Genèse chapitre 32. On va y aller. Et puis, dans Genèse chapitre 49, on va y aller rapidement. On va lire quelque chose. Et notez Genèse, Nombre chapitre 23. C'est compliqué ce soir. La sœur Yolande, beaucoup de courage, d'accord. La pression s'est amoindrie. J'ai tenté de regarder une visite, un appel tout à l'heure, parce que j'ai tenté de lire là et puis de surveiller ce qui est arrivé. Une visite, ça c'est un homme et une femme, ou bien c'est une femme, ou bien c'est deux personnes, mais c'est comme c'est une femme et une femme, mais l'une des femmes est jeune. Qui te rend visite, c'est qui ça? Ou bien qui t'invite, vous vous rencontrez quelque part, c'est quoi, au juste? La soeur Yolande m'entend? Oui. J'ai pas bien entendu deux femmes qui me rendent visite. Non, ça ce sont pas les frères. Ça c'est une femme. C'est une femme principale. C'est une femme qui est comme si elle commande. Je sais pas ce qu'elle joue. Ou c'est comme si elle a un document, quelque chose. Et puis, mais ça concerne une jeune personne également. Et puis, il y a une rencontre qui doit se faire. C'est qui cette femme-ci? Alors, une femme, ça doit être le juge en fait. Le juge aux affaires familiales. Elle a un document entre les mains. Pour ma fille. Oui. Voilà, elle a le jugement pour la décision de justice quand oui. On m'a enlevé ma fille. Ok, donc cette document, il doit devoir l'enlever, d'accord? Ce document, c'est entre ses mains, il doit devoir l'enlever. Donc, je suis en train de le lire là, et puis ça me perturbe depuis là. Ça me perturbe depuis, il fallait que je te dise, et puis écrire là-dessus. Bon, gardons cela à l'esprit, d'accord? La parole d'abord, d'accord, la soeur? La parole d'abord. Donc, pendant que je le lis, je suis en train de voir ce document là, cette femme qui tenait ce document, il me balançait là devant les yeux comme ça. Allons dans le livre de Genèse, chapitre 32. Genèse, chapitre 32. Ne t'inquiète pas, la soeur Yolande, ne t'inquiète pas, d'accord? Dieu va te restaurer totalement. Totalement, d'accord. Ah mon Dieu, la sœur Yolande, Yolande ma sœur, le Seigneur va te restaurer totalement sur tous les aspects, d'accord? Tu n'auras plus d'oppression. Donc, parce que je te regarde renouvelé maintenant. Renouvelé. Totalement renouvelé. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Amen. La soeur Yolande, ça va? Excusez-moi. Ça va aller. D'accord. C'est vrai que tu parles loin de ton micro, on ne t'entend pas bien. Tu as remarqué, j'ai dû enlever mon casque, mettre une pause pour te regarder véritablement, n'est-ce pas? Il ne voudrait pas que ça m'attire dans cette direction-ci. Si le Seigneur permet, à l'issue de ceci, je ne sais pas combien de temps va passer là, si le Seigneur permet, toi et moi, on va parler. Il dit, ce document entre les mains de cette femme-ci, il faut que je l'arrache. Dans Genèse chapitre 32, donc, la sœur Yolande, après, va causer Dieu voulant, d'accord? Si c'est pas, mais après cet enseignement, si, daigne me faire signe demain pour qu'on parle, d'accord? Donc même si je ne suis pas disponible, tu me persécutes et sur WhatsApp et sur Skype. Donc dans Genèse chapitre... Si vous lisez dans le livre de Genèse chapitre 32, comment il s'appelle? Ésaü et son frère doivent se rencontrer. Il y a eu une lutte entre Dieu et... Enfin, entre Dieu et Jacob. Cette lutte-là également, on va y revenir. Au chapitre 34, maintenant, un événement va se passer. Parce qu'en réalité, Jacob va mettre sa famille à l'abri. Au chapitre 34, Dieu, quelque chose va se passer. Le 13e enfant de Jacob, la sœur Laura ne soit pas distraite, dit à ses enfants-là d'aller lire la Bible. Au chapitre 34, donc, de Genèse, quelque chose va se passer. La 13e enfant de Jacob va sortir du clan, aller être visité. Et il y a un de ces garçons-là, de ce royaume-là, le fils du roi de cette contrée-là, qui va la violer. Vous connaissez cet événement, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Lorsque les enfants vont rentrer, les soeurs de Dinapat, principalement, c'est Moïse qui sont allés suivre là maintenant. C'est Moïse qui me fait revenir ici. Lorsqu'ils vont rentrer du champ, regardez très attentivement. Verset 7. Du chapitre 34. Et les fils de Jacob revenaient des champs. Lorsqu'ils apprirent la chose, Sichem fut irrité et il s'est mis dans une grande colère parce que Sichem avait commis une infamie en Israël. Voilà. En couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Nous sommes dans la Genèse et il n'y a pas une loi écrite que le viol est interdit. Je ne sais pas si vous saisissez. Il n'est pas écrit nulle part que c'est de façon physique comme ça que les enfants d'Israël ne doivent pas aller se mélanger avec les enfants du peuple païen. C'est pas écrit. C'est dans Lévitique et là-bas qu'on va commencer à voir cela érigé en loi. Mais on dit ici que c'est qu'il n'aurait pas dû se faire. Verset suivant nous dit, verset 8, Amon leur adressa ainsi la parole. Le cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. Alliez-vous avec nous donnerez vos filles. Vous nous. Oui. Et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez pour y trafiquer et y acquérir des propriétés. Vous voyez effectivement cette tentative de séduction et d'absorber la racine. On va revenir encore sur notre enseignement là-bas. Sichem dit au père et au frère de Dina que je trouve grâce à vos yeux. Et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents. Et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Quel mélange de sémences. Les fils de Jacob répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem et à Amor, son père, parce que Sichem avait déshonoré Dina, sa sœur. Vous y êtes? Il leur dit, c'est une chose que nous ne pouvons pas faire que de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce serait un opprobre pour nous. Donc le peuple qui était là était incirconcis et Israël avait la loi de l'alliance de Dieu dans le cœur. La sœur Natouche en bonne arrivée. Verset 16, verset 15. Nous ne consentirons à votre désir qu'à la condition que vous deveniez comme nous et que tout mal parmi vous soit circoncis. Nous vous donnerons alors nos filles et nous prendrons pour vous les vôtres. Pour nous les vôtres. Nous habiterons avec vous et nous formerons un seul peuple. Mais si vous ne voulez pas nous écouter et vous faire circoncis, nous prendrons notre fille et nous nous en irons. Leur parole eut l'assentiment de Amon et de Sichem, fils de Amon. Le jeune homme ne tarda pas à faire la chose, car il aimait la fille de Jacob. Il était considéré de tous. Dans la maison de son père. Amon et Sichem, son fils, se rendit à la porte de leur ville et ils parlaient ainsi aux gens de leur ville. Ces hommes sont paisibles à notre égard, qu'ils restent dans le pays et qu'ils y trafiquent. Le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons pour femmes leurs filles et nous leur donnerons nos filles. Mais ces hommes ne consentiront à habiter avec nous pour former un seul peuple. Qu'à la condition que tout mal parmi nous soit circoncis comme ils sont eux-mêmes circoncis. Leurs troupeaux, leurs biens et tout leur bétail ne seront-ils pas à nous? Accepteront seulement leurs conditions pour qu'ils restent avec nous. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutaient Amon et Sichem, son fils, et tous les mâles, écoutez bien, et tous les mâles, ses fils circoncis, tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants. Donc quand on a coupé, imagine donc à l'âge quand on a circoncis les gens là. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, c'est ici donc qui est intéressant. Les deux fils de Jacob, la sœur Hélène, bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon frère. Que la grâce et la paix vous soient multipliées et abondent dans ta maison. Amen. Le troisième jour, verset 25 du chapitre 34 de Genèse. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Vous y êtes là? Nous y sommes, frère. C'est ça. Il passait, je crois que je suis sûr que vous me demandez où est-ce qu'on en allait avec cette affaire, n'est-ce pas, frère? Exactement, frère. Vous vous demandez certainement en quoi est-ce que ça consiste. Parce qu'en fait, depuis, on ne parle pas de Dan. ne vous inquiétez pas, j'arrive quelque part. Amen, amen. Siméon et Lévi, frères, verset 26, ils passaient au fil de l'épée Amon et Sichem, son fils. Ils enlevaient Dina de la maison de Sichem et sortirent. Écoutez bien, souvenez-vous que Jacob est prophète. Israël est prophète, n'est-ce pas? Amen. Les fils de Jacob, verset 26, se jetaient sur les morts et pillaient la ville parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Remarquez très attentivement que ce n'est pas tous les fils d'Israël qui ont fait cela. On a dit c'est Siméon et Lévi. Vous y êtes? C'est Siméon et Lévi. Parce qu'on avait déshonoré leur sœur. La sœur de qui? Donc Dina est la sœur de... Souvenez-vous que Jacob avait Bilda, Léa, ainsi de suite, n'est-ce pas? Avec qui il avait des enfants. Donc maintenant, je vous donne donc le travail d'aller regarder de quelle maman est sortie Dina, Siméon et Lévi. C'est pour ça qu'on précise leur sœur. D'accord? Maintenant, regardez. Les fils de Jacob se jetaient sur la ville. Verset 28. Ils prirent leur troupeau, leur bœuf et leur âne, ce qui était dans la ville. Et ce qui était dans les champs. Les gens étaient souffrants. Ils ne pouvaient pas courir. Ils ne pouvaient pas faire n'importe quoi parce qu'ils étaient sans défense. Comprenez bien les hommes là, vous les hommes. Les femmes ne peuvent pas comprendre ces choses-ci. De toute façon. Je crois que quelqu'un l'a assis dans la maison. Vous me voyez, n'est-ce pas? C'est chez moi ici. C'est où ça, frère? C'est en Chine? Ouais, c'est bon, sur la route là. Donc ça dit que les Chinois ont fait des voitures. Passent dans la maison alors. C'est les motos okay. Électriques là. Les Bensikin, ok. Alors, verset 30, verset 29, ils amenaient comme butin toutes leurs richesses, leurs enfants et leurs femmes et tout ce qui se trouvait dans les maisons. Alors Jacob dit à... Écoutez bien, souvenez-vous, j'ai dit, vous savez que Jacob est prophète. Alors Jacob dit à Simon et à Lévi, vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phérésiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes et ils se rassembleront contre moi. Ils me frapperont et je serai détruit, moi et ma maison. Il répondit, traitera-t-on notre soeur comme une prostituée? Fin de lecture. Vous avez vu ce qui s'est passé, frère? Ah, ces gens-ci, quoi qu'ils sont fatigués. Ils sont fatigués, n'est-ce pas? On peut laisser. Alors, maintenant, regardez bien. Jacob a réagi en craintif parce qu'il craignait les gens, parce qu'il n'avait pas assez de gens parmi eux. Non. Ok. Non, frère. Vous n'êtes pas fatigué, c'est ça? Mais vous ne me répétez pas. Allons au chapitre 49. Rapidement, le verset 6 nous intéresse. Parce que j'aurais souhaité vraiment qu'on n'aille pas à tout. Non, frère. C'est le problème maintenant, notre époque, qu'il n'y ait plus la cacophonie qu'on a eu ces derniers temps. Voilà. Très bien. La fin de la sainteté grandit. Chapitre 49. Dans ce livre de Genèse, chapitre 49, il est question. Voilà. Jacob est déjà entré en stage pour entrer et être réuni à ses pères. Il réunit ses enfants pour donner des bénédictions et des prophéties. Il se trouve en Égypte. Il va prendre les enfants Ephraim et Manassé que Joseph a eu lorsqu'il était en Égypte et qu'il est devenu souverain en Égypte. Il va les réunir pour leur donner des bénédictions prophétiques. Qu'est-ce qu'il va dire au verset 6? C'est le verset 6 qui nous intéresse. Quelqu'un lit le verset 6 et 7. Prenons le verset 5, 6 et 7. Allons-y. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence dans leur demeure. Que mon âme n'entre pas dans leurs conseils secrets. Que ma gloire ne s'unisse pas à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué les hommes. Et pour leur plaisir, ils ont enlevé des bœufs. Maudit soit leur colère, car elle a été violente. Et leur fureur, car elle a été cruelle. Je les diviserai dans Jacob et les disperserai dans Israël. Amen. Amen. Je crois que la connexion il y a un peu de déphasage des connexions. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais couper ma caméra pour que la bande passante soit aussi. Ça grésille un peu vers chez. Ça grésille un peu chez toi. Ok, donc. Raison pour laquelle je vais couper la caméra, comme ça vous n'aurez plus à souffrir de cela, d'accord? Maintenant, nous voyons effectivement que ici, le prophète Israël est en train de réitérer ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 34. Vous voyez, n'est-ce pas? En appelant Siméon et Lévi. Mais le vrai problème, c'est au niveau de cette colère qu'on a maudite et ce qu'il est dit, quand on parle de leurs glaives sont des instruments de violence. Maintenant, qui est le père de Moïse? Lévi. Qui est le père de Moïse? Lévi. Vous voyez la source de l'ardente colère de Moïse, n'est-ce pas? Oui. Okay. La question que je vous pose maintenant, c'est avez-vous quelque part, Dieu a fait la reproche à Moïse par rapport à ce qu'il a fait au peuple juif là? Dans le désert, en brisant les, non seulement la table des commandements, et aussi en les faisant boire cette statuette-là qu'il avait fait brûler en cendres et mélanger dans l'eau. Dieu lui a-t-il reproché? Non. Dieu lui a-t-il reproché le fait qu'il a tué un Égyptien avant de fuir l'Égypte? Non. Jusqu'à vous comprenez où je vais en venir. Oui, comme tu as dit au début, frère, qu'il y a des choses qu'on peut faire, des trucs qu'on peut faire, et puis on croit que Dieu va être en colère, que Dieu va se mettre dans la fureur, et puis ça lui dit bien, des petites choses qu'on peut faire. Et que c'est là où vraiment ça tire la colère de Dieu sur nous, quoi. Voilà. On peut continuer maintenant. Maintenant, je vous pose donc la question. Dites-moi, pourquoi Moïse n'est pas entré dans la terre promise? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas obéi à un ordre du Seigneur. Le Seigneur lui avait, il a frappé le rocher au lieu de parler, je crois bien. Non, tu n'as pas quoi. Vous devez dire, il vous a présenté, me présenter les choses dans les Saintes Écritures. Vous devez me présenter. Oui, c'est à cause de la colère. Donc, il n'a pas obéi à l'ordre que le Seigneur lui avait donné. Donnez-moi la référence. Moi, je crois que c'est. Oui. Parce que Moïse a versé le sang. Il a versé le sang. En fait, il y a deux versions là maintenant. La vérité doit jaillir. De la même façon que Dieu avait dit à. De la même façon que Dieu avait dit à David que ce n'était pas lui qui allait lui bâtir. Prouvez-moi par les Écritures. Parce que la terre promise est censée être une terre de. Enfin, pour entrer dans le repos de Dieu. Enfin, je pense. Personne ne me donne les Écritures. Ouvrons le livre de Deutéronome. Frère, je ne fais plus là où ça se trouve. Mais je pense que quand le Seigneur, par rapport à l'eau, c'était dans Deutéronome. Ouvrez mais quand le Seigneur, au lieu de parler au rocher, il avait frappé on va avec, voir. Faut toujours... avec le bâton pour faire sortir l'eau, en fait, au lieu de parler. Il faut toujours parler comme ça de Moïse. Le jour qu'il va te rencontrer à haut, tu vas lui dire où il avait frappé. Ouvrez le livre de Deutéronome chapitre 1 et prenez le livre de Nombre chapitre 20. Allons-y. Deutéronome et Nombre. Que Dieu vous bénisse, la France dans la sainteté. Vous y êtes? Bonsoir mes frères, la France dans la sainteté, bonsoir. Amen. Si vous êtes prêts, j'y vais. On y va, mes soeurs et frères. Je crois que la connexion nous dérange vraiment là. Vous m'entendez? Bonsoir, frère. Wow. Bonsoir, frère. Bonsoir, frère. Je crois que c'est vraiment lourd. Je crois que ma qualité des réseaux, peut-être que vous ne m'entendez pas bien, il y a toujours un, il y a un décalage. Vous m'entendez? Vas-y, frère. J'ai dit vous ouvrez Nombre chapitre 20. C'est pas évident avec. On a du mal à t'entendre, frère. Mr. Grésil. On y va. Alors, les frères, vous m'entendez? Oui. Très bien, là. Oui, là, c'est bon. Ok. Alors, dans le livre des Nombres, chapitre 20, prenez votre livre dans Nombres, chapitre 20. La Bible déclare, donc notez Nombres, chapitre 20. Il va aller à partir du verset 1 jusqu'à ce qu'on tombe sur le verset. Puis le chapitre 27 de ce même livre des Nombres. Et puis par la suite, on va aller dans le livre des Deutéronome, chapitre 1. Voilà. Dans Nombres, chapitre 20. La Bible déclare, toute l'assemblée des enfants d'Israël à partir du verset 1 arriva dans le désert de Tsin le premier mois et le peuple s'arrêta à Kadesh. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse et dit, que n'avons-nous expiré quand nos frères expiraient devant l'Éternel? C'est quand même terrible. Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourons, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Vous vous souvenez de l'événement du chapitre 14 où Dieu les a fait tourner là-bas? Nous sommes au chapitre 20 encore comme ça, c'est terrible. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends, écoutez bien, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher. Gardez bien le verset 8 de Nombre chapitre 20. Et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles. Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Vous avez suivi ça? Écoutez très attentivement. Dans votre Bible, comme nous sommes de lire là, c'est écrit avec un point d'interrogation. En réalité, ce que Moïse, le prophète, en train de dire, ce n'est pas une interrogation, il n'est pas en train de les interroger. Verset 11. Puis Moïse leva la main et frappa deux fois, souligné deux fois. Et frappa deux fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et les bétails aussi. Verset 12. Écoutez bien. L'ascension. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron. Parce que vous n'avez pas cru en moi. Soulignez. Parce que vous n'avez pas cru en moi. C'est terrible. Donc on dit que Moïse et Aaron n'ont pas cru en Dieu. N'est-ce pas, frère? Oui, c'est ça. Alors, de toute façon, si vous ne voulez pas vous déchirer cette partie, si vous voulez colorer ça en or qu'on ne voit plus jamais. Verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Fin de citation. Vous avez vu? Amen. Prenez le temps de lire tout cela jusqu'au verset chapitre Amen. 27. Maintenant, lisons le chapitre 27, maintenant le verset 14, verset 12 à 15. Chapitre 14. Nombre chapitre 27, verset 12 à 14. Ne vous inquiétez pas, on a détourné pour arriver vers Dan. D'accord, mes frères? Mm-hmm. L'Éternel dit à Moïse, verset 12. L'Éternel dit à Moïse, monte sur cette montagne d'Abarim. Et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tu le regarderas, mais toi aussi, tu seras recueilli auprès de ton peuple. Comme Aaron, ton frère, a été recueilli. Maintenant, écoutez verset 14. Parce que vous avez été rebelles en mon nom. Soulignez, avez été rebelles. Vous voyez. Vous avez souligné, frère. Parce que le nombre combien? Nous sommes dans nombre chapitre 27, Amen. Verset 14. J'ai demandé que vous souligniez. Avez été rebelles. Donc Dieu dit, parce que vous avez été rebelles. Il dit le pourquoi ils ne vont pas entrer, n'est-ce pas, mes soeurs? Parce que vous avez été rebelles à mon ordre dans le désert de Tsin lors de la contestation de l'assemblée. Et que vous ne m'avez point sanctifié à leurs yeux à l'occasion des eaux. Ce sont les eaux de contestation à Kadesh, dans le désert de Tsin. Donc, ils ont fait cela. L'eau est devenue l'eau de contestation à Massa. Vous y êtes? Donc, vous voyez ce que la colère a pu produire, n'est-ce pas? Mais maintenant, voici le point. Voici donc le point. Regardez et comparez les péchés qu'ont commis les enfants d'Israël. Regardez seulement ce que Aaron et Moïse ont fait. Ça les a coûté à ne pas entrer. Ça vous fait quoi là maintenant? Regardez la sanction à cause de cela. Regardez maintenant ce que Moïse va dire dans le Deutéronome. Prenez le temps de lire Deutéronome chapitre 1. Vous prenez à partir du verset 3 et suivant. Vous allez voir comment il va dire. L'Éternel fut irrité contre moi à cause de vous. Il va donner dans son monologue avec le peuple. Donc prenez le temps de noter des listes là par la suite. Donc qu'est-ce qu'il veut dire? Vous remarquez que si on regarde la proportion des sanctions, Moïse qui a défendu le peuple, qui protégeait le peuple contre les exactions même de Dieu, qui a même dit à Dieu de se repentir au point où Dieu s'est repenti, demandant au peuple de pardonner le péché. Moïse a fait ça. Combien de fois? Vous êtes Moïse a fait combien de fois? Une seule fois, n'est-ce pas? Mm-hmm. Oui. Est-ce que vous savez que Moïse est revenu avec cette affaire devant Dieu pour demander à Dieu comment s'il peut vraiment entrer? Dieu lui a dit que j'étais là à parler de cette affaire, si tu mourras ici. Vous savez ça, n'est-ce pas? Justement. Oui. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous voyez? Quand vous regardez ce que Moïse a fait, il a seulement dit que est-ce que c'est rocher comme vous pouvez sortir de l'eau? Et là, t'es pam, pam, c'est sorti, n'est-ce pas? Mm-hmm. Les gens ont bu. Ils sont bien désaltérés. Et puis, on lui a dit que toi, tu n'entres pas. Mais l'eau est quand même sortie, pas vrai? Mm-hmm. On a vraiment beaucoup de choses à dire de ces écritures-ci. Alors, où est-ce que ceci nous conduit? Ceci nous conduit du fait que. Quand Dieu a dit quelque chose depuis le début, il ne peut pas changer ça à la fin. D'accord? Ça, c'est un. Des deux, ce que nous pouvons prendre et considérer comme un petit péché devant Dieu peut être pour lui un très grand péché au point où même leurs tout petits enfants ne peuvent même pas s'en sortir. Vous vous souvenez dans la lecture, si vous lisez votre Bible dans le livre de 1 Samuel, si vous lisez le chapitre 2, chapitre 3, je ne sais pas si je vais vite aujourd'hui. Notez seulement, je vais expliquer maintenant parce que sinon il va tourner comme ça, il ne va pas vous répondre là. 1 Samuel, dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 2 et chapitre 3. Vous connaissez l'histoire de Ophni et Phiné, n'est-ce pas? Et puis de Héli, oui. Le souverain sacrificateur. Mm-hmm. La Bible déclare que ces gens étaient des méchants, des gens pervers dans la version d'Abi, c'est-à-dire que les gens qui ne connaissaient pas Dieu, le fils de Bélial, dans la version d'Abi. C'est-à-dire qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Ils couchaient même les femmes devant la tente d'assignation. Mais maintenant, la Bible déclare que Héli, le souverain sacrificateur, avait coutume. Enfin, il a. On ne t'entend pas, frère. Là, c'est compliqué. C'est compliqué. Vous m'entendez maintenant? Oui. Oui, oui. Là, ça va là. Je tente de parler de Ophni et Phiné avec Héli dans 1 Samuel chapitre 2, 3. Vous m'avez entendu, n'est-ce pas? Amen. Moi, je vous entends bien. Oh, c'est pas vrai ça. Bon, je crois que au lieu d'expliquer, tourner en rond, faire le mini mieux, je vais dire rapidement là-bas, on répond à la question. Allons dans le livre de deux rois. J'aurais souhaité développer cela. Bon, c'est... Deux rois. Là-bas, encore une fois de plus, je suis obligé de parler. Frère. Oui. Si je comprends très bien, c'est en fonction de l'importance de la personne que Dieu sanctionne aussi. Que non, ce n'est pas seulement cela. C'est-à-dire le fait que Moïse est important à ses yeux et qu'il a douté de ou bien il a refusé de ses paroles, donc ça a mérité toute cette sanction qu'il interdit d'entrer dans la terre promise. Mon frère, il te pose une question. Il vous pose une question là maintenant. Allô, vous m'entendez? Oui, je t'entends. Okay. Oui, frère. Vous connaissez l'histoire qui se trouve dans le livre de 2 Samuel, chapitre 11 jusqu'au chapitre 12, entre David, Bathsheba, Uri. Oui. Que pensez-vous du jugement que Dieu a fait que l'enfant va mourir, mais Dieu a pardonné à David? Dieu a puni, David du péché commis, mais en lui pardonnant. Oui. Et l'enfant qui est né? L'enfant qui est né est mort. Dans l'une des inconvénients. Le Seigneur nous pardonne, mais les conséquences restent. Il n'efface pas les conséquences. Dans le livre de. Merci, ma soeur. Dans le livre de 1 Samuel, un roi. Non, 1 Corinthiens chapitre 5, cet homme-là qui vivait avec la femme de son père, quelle était la sanction que l'Assemblée, y compris le Saint-Esprit, avait dégainé contre lui? C'était de l'excommuner. Seulement? C'était de le livrer à Satan pour la destruction. Satan, oui. C'est-à-dire quoi, frère? Il faut qu'on le livre au Satan pour que... son corps puisse vraiment souffrir, mais que son esprit soit sauvé au jour du jugement. Je pense, ouais, c'est son esprit, c'est ça, c'est que la Bible disait, et tu disais le langage de la Bible. Que Dieu vous bénisse. Je peux continuer. Amen. Donc vous remarquez très attentivement que. Vous remarquez très attentivement que, avec une petite chose faite, vous allez remarquer que c'est comme si Dieu juge quelqu'un, mais d'une certaine façon, il ne pèse pas la même chose par rapport à d'autres personnes, n'est-ce pas? Vous avez comme l'impression que c'est comme ça que ça se passe. C'est pour cela qu'il dit qu'il faut être, il faut faire vraiment attention avec le Seigneur. Vraiment attention. Vous allez remarquer que les serviteurs du Seigneur ici, la façon qu'il les traite, il les traite plus rigoureusement. Parce que cette même Bible se dit que Moïse parlait avec Dieu sans énigme. Au chapitre 32 de Genèse, d'Exode qu'on a lu, il dit que tu m'as dit que tu ne me connais pas mon nom. Ça, c'est notre père des manches là-bas. N'est-ce pas, frère? Ici, Dieu, lui, il s'est dit, il dit que Moïse et Aaron n'ont pas cru en lui et ne l'ont pas sanctifié. Et on voit effectivement seulement que la parole qu'ils ont faite, c'est ils ont seulement dit, Est-ce de ces rochers qu'on va vous sortir de l'eau à boire, enfant d'Israël? Il a frappé le rocher deux fois, point, point. Dieu dit qu'ils n'ont pas cru en lui. Ça, c'est terrible comme langage du Seigneur. Exactement. Voilà. Un roi, j'ai dit quoi là? Deux rois, chapitre 17. Et notez maintenant aussi deux rois, chapitre... Et puis, je vais parler. J'aurais vraiment, vraiment souhaité entrer dans beaucoup de choses là. Frère, s'il te plaît, une petite question. Donc, ça veut dire que par rapport à la révélation que tu as du Seigneur, il te traite plus durement que les autres qui n'ont pas ton niveau, en fait, c'est ça? À celui qui a, on fera quoi? On lui demandera beaucoup. On demandera plus. Voilà, je recommence encore et je vais citer un autre passage. Dans Luc chapitre 12, verset 47 et suivant, il est dit que celui qui aura connu la volonté de Dieu et ne s'est pas préparé en conséquence sera battu. D'un grand nombre de coups, n'est-ce pas? Mm-hmm. Mais celui qui ne l'ayant pas connu a fait des choses dignes de châtiment. Qu'est-ce qu'il en viendra de lui? Son châtiment sera moins comparé voilà. À... Vous comprenez, voici le pourquoi donc, connaissant ces choses, je dis souvent dans les enseignements, que si vous sachez, vous savez que votre la Bible ici, vous ne voulez pas suivre les instructions qui y sont, déposez ça tranquillement, vous rentrez. Sinon, ça va vous faire du mal, c'est pour cela que je dis ça. Vous comprenez, n'est-ce pas? Mm-hmm. Voilà. Ok. Je ne sais pas si la connexion s'est stabilisée, lorsque je parle, vous m'entendez directement. Ça va bien. Ok. Franchement, j'espère que ça ne t'a pas dérangé. Vous avez noté 2 Rois chapitre 17 dont je vous ai donné. Oui. Notez également 2 Rois chapitre 12, comme j'ai dit. Et ouvrons maintenant 1 Roi chapitre 11. Si vous vous dites quelque chose, et puis on va conclure pour ce sujet. Mais frère, tu veux qu'on dépose la Bible alors qu'on a pris connaissance de la parole. C'est dangereux de prendre connaissance de la parole. Il y a des gens qui ont lu la parole, comme Kakou Philippe, ils ont lu la parole, ils ont déposé, ils ont allé brûler et autres, faire autre chose, pas. Continuer le chemin. Je crois qu'on a parlé dans l'espace de la sainteté, de l'intimité avec la parole, quelque chose comme ça. Et quoi, c'est l'espace de la sainteté. Ah mon Dieu. Bon, j'y vais. Vous avez moi? Amen. C'est un roi. Voilà. Ouvrez un roi. Je vais vous faire un bref historique encore une fois de plus. Et puis on va entrer droit au but là-bas. Mais si la connexion n'est pas bonne, je suis obligé de couper et aller. Notez également Juge, chapitre 7, 8, 9. Juge, pas Jude. Enfin, de toute façon, vous notez Jude, vous ne verrez jamais le chapitre 2. Parce que je vais faire un glissement là-bas si le Seigneur le permet. Juge 7, 11. Notez juste Juge, chapitre 7, 8 et 9. J'y vais. Oui. Ok. Lorsque le peuple juif vont demander et exiger un roi comme les ceux des nations, Dieu va leur donner l'expression d'un roi au suffrage démocratique. Le suffrage démocratique, ce sont des rois qui viennent sur la terre selon la volonté du peuple, qui viennent de l'aspiration du peuple. Mais Dieu avait pour cœur de manifester son attribut au milieu de son peuple comme roi, c'est-à-dire le roi qu'il cherche. Établi par lui-même, il exerce sa domination au travers du peuple, au travers de cet attribut qu'il a octroyé à ce roi-ci. Donc Dieu voulait que ce soit sa royauté qui s'établit sur le roi d'Israël. Maintenant, dans ce livre de 1 Samuel, chapitre 7, 8 et 9, vous allez remarquer que là-bas va se trouver le tournant dans les ténèbres du peuple juif. Ils vont exiger à Samuel, il dit tes fils, voici tu vieillis maintenant, et tes fils ne nous traitent pas comme toi tu le traitais. Et ils vont dire que met un roi sur nous qui va nous diriger comme ceux des nations. Ça, c'est triste comme événement. Qu'est-ce qui va se passer? Samuel va prier toute la nuit pour demander pardon à Dieu pour cela. Ils vont dire, Dieu va leur dire que ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi qu'ils ont rejeté. Ils n'ont pas dit de leur bouche, écoutez encore une fois de plus, ils n'ont pas dit de leur bouche que non, nous ne voulons pas Dieu. Ils n'avaient pas besoin de dire cela. Le choix qu'ils ont fait montre qu'ils ont désiré. J'étais Dieu. Mais ça n'empêche que ils avaient les éléments d'adoration. Il y avait l'Urim et le Thummim. Ils avaient l'arche de l'alliance. Ils avaient la verge d'Aaron qui avait fleuri. Ils avaient le reste de la manne qu'on avait pris pour mettre dans l'arche. Ainsi de suite, les tables qui avaient été déposées dans l'arche. Ils portaient là, les sacrifices étaient là. Mais Dieu avait dit dans son conseil qu'ils l'ont rejeté. Ils ont rejeté Dieu en servant Dieu. En clair, ils servaient maintenant Dieu sans Dieu lui-même. En cherchant Dieu hors de sa volonté, ils cherchaient maintenant les choses de Dieu sans Dieu. Parce qu'ils devaient consulter le prophète Samuel pour savoir si c'est la volonté de Dieu qu'un roi règne sur eux comme les gens. Enfin, vous voyez que l'inspiration des peuples de Dieu ne doit pas venir du monde. Aujourd'hui, comme on dit, le rythme là, on peut chanter aussi les reggae chrétiens. Vous voyez, hein? On va y arriver. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Lorsque ce roi-ci qui est fait avec le suffrage universel de la démocratie va venir, l'expression du peuple qui se déchoit va se manifester en lui parce que ce n'est pas le choix souverain de Dieu. Puis Dieu va le pouvoir l'homme selon son cœur en la personne du Messie, David, qui est le type parfait du Messie, roi qui régnera sur Israël, à qui le trône a été promis de façon éternelle. Ce roi-là va faire des exactions, commettre des choses comme j'ai cité tout à l'heure dans 2 Samuel chapitre 11, chapitre 12, au point où Dieu va lui dire que ce ne serait pas lui. Si vous lisez le 2 Samuel chapitre 7, il va avoir intention de construire un lieu d'habitation à l'âge de Dieu. Dieu va le révéler au prophète Nathan que ce ne serait pas lui parce qu'il a versé beaucoup de sang. Il est un homme de sang. C'est son fils qui sortirait de lui, qui va bâtir sa maison. Mais maintenant, souvenez-vous de ceci. Ce fils-là va sortir. Dieu promet qu'il va prospérer son règne. Une fois de plus, nous y voilà avec ce qui était dit dès le départ. Regardez la fin de vie de Salomon dans Luc 2, 1 Roi chapitre 11, puisque nous y sommes. Prenons le temps de lire. 1 Roi chapitre 11, la Bible déclare qu'à l'époque de sa vieillesse, les femmes que Salomon avait prises de tous les royaumes là, inclinaient son cœur et son cœur ne fut plus totalement entièrement à Dieu comme le fit son cœur, le cœur de son père David. C'est ce qui est écrit, c'est le compte rendu qui est dit. Mais qu'est-ce qu'il dit de lui longtemps avant qu'il ne naisse? La Bible déclare que c'est un fils qui sort de lui, qui va hériter son trône et Dieu va lui donner son royaume pour toujours. En plus de cela, Dieu dit que s'il commet des choses qui sont dignes, Dieu va le frapper sans pourtant lui enlever sa bonté. C'est ce qui est dit du roi Salomon avant qu'il ne vienne au trône. Donc, il a la grâce avant de commettre le péché. C'est choquant, mais c'est la vérité. Parce que la promesse est venue avant le péché. Maintenant, si vous pouvez déchirer, arrêter votre Bible, vous dites que vous ne voulez plus taper au sol, ça ne change rien, Salomon, et avec le Seigneur. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu va promettre, et c'est nous. Oh mon Dieu. Vous voyez les deux aspects que je vous ai expliqué de l'époque. Vous allez voir, au fur et à mesure que je vais développer, vous allez voir ces choses. Dieu, avec ce que Salomon va faire, Dieu va dire, ok, à cause de David, de mon serviteur, je ne le punirai pas, je ne vais pas déchirer le royaume de son vivant devant son fils, parce qu'il avait d'affaires, de quoi, alliance avec Salomon et avec David. Et promet que c'est du vivant de son fils, le fils de Salomon, que ça va se détruire. Voici donc quelqu'un qui n'a rien fait, qui va hériter d'un royaume avec une malédiction sur le royaume déjà. Donc ça veut dire que Roboam, qui est le fils de Salomon, qui va hériter du trône de Salomon, hérite du trône avec les grâces de la malédiction. On avance. La Bible déclare que quand Salomon le sage contestait, personne n'usait plus à diriger parce que la sagesse qu'il avait, même la reine de Saba, les reines des rois du monde venaient pour consulter Salomon dans des affaires difficiles. Mais Roboam, lorsqu'il va monter au trône, les vieillards vont venir poser des questions, vont les demander aux jeunes gens du quartier, les gars avec qui ils ont grandi là-bas au quartier Makéa, vont lui demander. La Bible déclare, allons-y maintenant, ça devient intéressant. La Bible déclare, on y va, chapitre 12. Regardez ça. Souvenez-vous de la question posée de l'époque, nous parlons des Dan. La tribu du Dan dans le livre d'Apocalypse, chapitre 7 et chapitre 11, chapitre 14. Chapitre 12, dans le chapitre 12 des un roi nous parle le pourquoi le royaume s'est disloqué. Maintenant, souvenez-vous, dans un enseignement, je vous avais dit qu'il y a des divisions qui viennent des dieux, des coups d'état qui viennent des dieux. Vous allez en voir un ici. Maintenant, verset 1, Roboam s'est rendu à Sichem car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, eut des querelles, il était encore en Égypte. Souvenez-vous aussi, le garçon de Jéroboam, c'est lui qui va nous donner la solution à ce que nous sommes allés demander depuis aujourd'hui. Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, eut des nouvelles, il était encore en Égypte, où il s'était enfui loin du roi Salomon. Donc, du vivant de Salomon, c'était un général de Salomon. Salomon avait des querelles avec lui. Et cet homme-ci, c'est encore un autre point là-bas à regarder dans la Bible. Cet homme-ci, si vous lisez le livre de un roi, doucement, depuis le chapitre 1 jusqu'à ce que vous arrivez au chapitre 10, vous allez remarquer que longtemps, quand Dieu veut faire ces choses, il prépare en arrière-plan. Sachant ce qui devait arriver, le prophète Akija va rencontrer Jéroboam dans les champs. Il va prendre son manteau, déchirer 10 parties, donner à Jéroboam et prophétiser sur lui que ainsi parle l'Éternel. Je déchirerai le royaume du fils d'entre les mains du fils de David et je te donne 10 royaumes. Il va laisser 2 royaumes à cause de son serviteur David. Il va laisser 2 royaumes, la tribu de Benjamin et le royaume de Juda. Ce qu'on va appeler en fin de compte le royaume de Juda qui avait pour capitale Jérusalem. Ce qui va se passer, c'est que cet homme-ci, Salomon va essayer de le tuer n'importe comment. Il va faire n'importe quoi, la tentative pour le tuer parce que Dieu avait promis à Salomon qu'il va donner le trône avec repos durant ce moment. Donc, ça veut dire que quand Salomon régnait, il n'y a pas de troubles comme David avait des parts et d'autres avaient les ennemis. Dieu avait calmé tous les éléphants, toutes les proies, les prédateurs qui étaient tout autour de lui. C'est Dieu qui avait calmé les rois qui pouvaient attaquer Salomon pour que son règne prospère. Le type du règne décrit sans partage et sans violence. C'est Jéroboam qui va donc fuir en Égypte, ce que vous appelez l'exil aujourd'hui. Donc ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il s'est exilé, c'était un exilé politique. Il s'est exilé en Égypte en attendant que le règne ce qu'il a appelé le règne du méchant passe. Mais avant d'aller en Égypte, il a eu une prophétie qui lui octroyait 10 royaumes. Alors maintenant, quand Salomon va mourir au chapitre 11, au chapitre 12, on dit donc que Roboam va se rassembler, le fils de Roboam, c'est le fils de Salomon. Tout Israël va se réunir donc pour lui faire roi. Donc on parle maintenant de l'accomplissement de la scission du royaume. Le royaume d'Israël qui était constitué de 12 tribus va finalement se réduire c'est divisé, c'est le schisme va constituer donc et détruire le royaume d'Israël. 10 tribus vont aller au nord et 2 tribus vont rester au sud. Le royaume du sud va être connu dans la Bible si vous regardez le roi de Juda. C'est pour ça qu'à partir de maintenant, vous allez commencer à voir que telle personne régnait sur Juda, l'autre régnait sur Israël. Lorsqu'on parle du royaume d'Israël, cette fois-là, à partir de ce moment où il y a 2 royaumes, ne pensez plus qu'on parle d'Israël en tant que tout le peuple constitué. On parle d'Israël là-bas en tant que la nation, le peuple du nord qui est constitué de 9 tribus. Et la capitale là-bas, c'est la Samarie, dans la carte juive, dans la carte de l'Égypte, d'Israël. Donc, initialement, il y avait 12 tribus qui sont mélangées. Ici, au chapitre 12, on va faire la scission des 10 nations. Les 12 nations vont se fissurer. 2 nations en bas, au sud, et 9 nations en haut. Vous y êtes? Et 10 nations en haut. La capitale du royaume du nord, c'est la Samarie. La capitale du royaume du sud, c'est Jérusalem. C'est à Jérusalem, justement, que Dieu a décidé d'y faire régner son nom. Régner son nom. Jérusalem, la capitale, la ville du grand roi. Et c'est là-bas, donc, qu'il va donner au fils de David. Dieu va donner ça au fils de David. Et le premier fils de David qui va régner là-bas, c'est Roboam. Parce qu'il l'a conservé à cause de David. Donc, le royaume va se diviser lorsque Salomon meurt et son fils Roboam prend le règne. Il ne doit plus avoir le contrôle sur 12 tribus, mais sur 2 tribus. Je ne sais pas si vous comprenez, Benjamin et Juda, au royaume du sud. Et donc, l'accomplissement du prophète Akija, qui avait rencontré Jéroboam des années plus tôt et lui avait donné 10 rois du part, il va prendre le royaume du sud, du nord. C'est ici que ça devient intéressant parce que c'est là où nous vient notre réponse. Continuons la lecture. Verset 3. On l'envoya appeler. Alors Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vint à Roboam. Regardez bien, lui-même Jéroboam est sorti de l'Égypte, il est venu devant Roboam qui est devenu roi. Et lui parla ainsi, « Ton père a rendu notre joug dur. Toi maintenant, allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père et nous te servirons. » Donc même le général là est sorti de l'Égypte parce que son père qui le pressait est mort. Il est venu devant lui face à face avec le peuple et on dit « Ok, maintenant enlève les sanctions qui étaient sur nous, amnistie les prisonniers, ainsi de suite, avec tout le terminologie qu'on peut utiliser dans le royaume. » Maintenant écoutez très attentivement ce qu'il va dire, verset 5. Il a dit, allez et revenez vers moi dans 3 jours. Et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon son père pendant sa vie. Et il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Et voici ce qu'il lui dit. Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu les cèdes et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Ça c'est le vieillard. Avec l'esprit de sagesse de Salomon qui était sur eux, les conseillers de leur père. Verset 8. Mais Roboam laissa. Écoutez bien, il y a un point dans ces paroles-ci que c'est là où je vais souligner. Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards. Et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Il leur dit, que mes conseillers vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage. Allège le joug comme nous a imposé ton père. Et voici ce que lui dit les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant et toi, allège-le-nous, tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Ça, c'est le conseil des jeunes. Écoutez bien. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant et moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets et moi, je vous châtierai avec des scorpions. Écoutez bien, mes frères. Jéroboam et tout le peuple vint à Roboam le troisième jour, suivant ce qu'avait dit le roi. Revenez vers moi dans trois jours. Verset 13. Le roi répondit durement au peuple. Il laissa le conseil que lui avait donné les vieillards. Et il leur parla ainsi d'après le conseil des jeunes gens. Mon père a rendu votre joug pesant et moi je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets et moi je vous châtierai avec des scorpions. Maintenant verset 15. Ainsi le roi... Écoutez bien. Frères, sœurs, c'est les Saintes Écritures. Ainsi, le roi n'écouta point le peuple. Écoutez, soulignez. Car cela fut dirigé par l'Éternel en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite par Akija de Silo à Jéroboam, fils de Nebat. Fin de citation. Donc, Dieu peut conduire les gens dans le faux conseil afin que sa parole et sa volonté s'accomplissent. Verset 16. Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi, « Quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tentes, Israël, maintenant, pourvois à ta maison, David. » Et Israël s'en alla dans ses tentes. Les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda furent les seuls sur qui régna Roboam. Vous voyez, après maintenant la suite des passages que vous lisez là-bas, je crois que je vais expliquer maintenant pour arriver là-bas. Il va envoyer maintenant le proposer, celui qui collecte les impôts, Adoram, d'aller collecter les impôts, aller demander encore les impôts là-bas. Il croyait qu'il régnait sur eux. Quand on l'a chicoté comme ça, ils ont fui en rentrant comme ça, ils ont compris vraiment que là-bas c'est grave seulement. Ils ont compris à partir de là maintenant, lieu la scission. Et au nord, donc, Jéroboam va régner. Maintenant, écoutez-moi bien. J'aurais souhaité vraiment que vous ayez les vidéos ouvertes pour que je vous regarde, pour être sûr que vous m'entendez et que vous m'écoutez. Je suis désolé. Maintenant, je recommence encore. C'est ce Roboam-ci, Jéroboam. C'est ce Jéroboam, si vous lisez 1 Samuel chapitre 11, verset 11 jusqu'au verset 31. Si vous lisez, il dit bien 1 Roi chapitre 11, qu'on a lu le chapitre précédent, le verset 11. Puis vous lisez le verset 31. Le prophète, non mais c'est quand même terrible, je ne peux pas comprendre ces choses sur la terre ici. Le prophète le rencontre, le prophète Akija le rencontre. Il lui dit exactement, c'est là, oh mon Dieu, 1 Roi chapitre 11, chapitre 11. Vous y êtes? Nous y sommes. Mm-hmm. Nous y sommes. Ok. C'est bon. Regardez le verset 11. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Dieu parle à Salomon du plan à venir. La personne à qui il va désigner, c'est Dieu, c'est qui connaît. Maintenant, regardez le suite. Verset 12. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie. À cause de David, ton père, c'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Vous voyez que son fils n'est pas encore roi, n'est-ce pas, frère? Le voilà. Pas du tout. Le voilà qui va hériter d'un royaume arrachable, divisable, des contestations. Mais il ne saura pas d'où ça vient. Le conseil de Dieu avait décidé ainsi. Allons verset 30 maintenant, prenons verset 26, regardez. Jéroboam, verset 26. Jéroboam aussi, serviteur de Salomon, leva la main contre le roi. Il était fils de Nebat, éphratien de Tserada, et il avait pour mère une veuve nommée Teroa. Voici à quelle occasion. Il leva la main contre le roi. Salomon bâtissait Milo et fermait la brèche de la cité de David, son père. Jéroboam était fort et vaillant. Et Salomon avait vu ce jeune homme à l'œuvre, lui donna la surveillance de tous les gens de corvée de la maison de Joseph. Dans ce temps-là, écoutez bien, Jéroboam étant sorti de Jérusalem, fut rencontré en chemin par le prophète Akija de Silo. Revêtus d'un manteau neuf, ils étaient tous deux, seuls dans les champs. Frère, je veux que vous considérez ces paroles maintenant. Il sort pour aller faire son travail. Dieu conduit le prophète d'aller le rencontrer le champ. Frère, ils sont deux, seul à seul. Écoutez bien ce qui va se passer. Akija saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en 12 morceaux et dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux. Écoutez bien, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, voici je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je te donnerai 10 tribus. Mais il aura une tribu, écoutez bien, à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie sur toutes les tribus d'Israël. Écoutez bien, voici le verset 33 qui nous intéresse. 33 et 34, écoutez bien. Et cela parce qu'ils m'ont abandonné et se sont prosternés devant Astarté, divinité des Sénévins, devant Kemosh, dieu de Moab, et devant Milcom, les dieux des fils d'Amon. Et parce qu'ils n'ont point marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes yeux et pour observer mes lois et mes ordonnances, comme l'a fait David, père de Salomon. Je n'ôterai pas de sa main tout le royaume, car je le maintiendrai prince tout le temps de sa vie à cause de David, mon serviteur, que j'ai choisi et qui a observé mes commandements et mes lois. Mais j'ôterai le royaume de la main de son fils et je t'en donnerai 10 tribus. Amen. Amen, amen. Voici amen. Quelque chose qui s'est passé longtemps avant qu'un monsieur qu'on appelle Jéroboam ne vienne au pouvoir. Savons dire que quoi? Dieu lui a dit clairement que voici pourquoi il te donne 10 royaumes. Parce que Salomon n'a point observé, comme ils ont dit, comme il lui l'a dit ici, qu'ils ont se prosterné devant les idoles d'Astarté et autres là-bas. Et si vous lisez effectivement là-bas, vous allez remarquer que Salomon avait construit des temples à chacune de cette déesse, de cette femme-là, de cette fille des princes qu'il avait pris partout. Dans chaque pays, il prend un dieu de Babylone et construit la maison des crânes, la maison des crânes de Baham. Il prend pour celle-là de l'autre côté de Bassa, il dit que la maison des eaux de Mbombok, il construit, donne à la femme pour héritage. Vous regardez, c'est un monsieur qui avait la sagesse. Voilà sa sagesse l'a construit, l'a conduit. Mais jusque-là, Dieu ne l'a pas puni. Avez-vous vu cela? Vous avez vu l'idolâtrie faite par le peuple dans le désert et vous avez vu ce que Salomon en a fait? Qu'est-ce que vous en dites? Vous voyez, c'est terrible, n'est-ce pas? Ok, j'avance. Le plus grave, c'est ce monsieur, si c'est lui donc qui va nous donner la solution à ce que tu as posé, vous avez causé comme question dès le départ. Vous voyez que les questions bibliques ne sont pas simples comme vous pensez, n'est-ce pas, frère? Non. Alors, maintenant, non. Regardez. Au chapitre 12, donc, ce garçon, il y a division. Et la Bible déclare, au verset 15, que nous avons lu au chapitre 12 de 1 roi, que cela fut dirigé, le conseil, le fait que Roboam prenne plutôt le conseil des jeunes gens pour terroriser et rendre Dieu encore le propre sur le peuple, venait de Dieu. Que ça venait de Dieu. Pourquoi? Pour que le dessein de diviser le royaume puisse venir. Alors, Dieu était aussi un Dieu de division, n'est-ce pas, frère? C'est cela. Si vous dites le contraire, déchirez la Bible, c'est simple. Bon, maintenant, suivons Jéroboam. Vous connaissez ce que le prophète lui a dit, n'est-ce pas? 1. Il aura 10 royaumes. 2. Deux royaumes vont rester au royaume de David, quoi, au fils de David, parce que, pas parce qu'ils sont. La seule que Sandra Kazemi veut fermer ton micro. La deuxième chose, c'est parce que c'est à cause de David que le royaume va rester, et non seulement cela, parce qu'il a obéi à ses commandements et à ses lois, et parce que Jérusalem, c'est la ville que Dieu a choisi pour y faire résider son nom. C'est la raison pour laquelle Dieu, c'est la raison que Dieu nous a donnée ici. Il y a un retour là qui est mauvais. Maintenant, nous allons suivre le prophète Akija. Il y a un retour là, c'est chez Sandra. Donc, suivons la personne maintenant de Jéroboam, maintenant, celui qui nous intéresse. Dieu, je sens la nécessité pour vous comprendre le pourquoi. Le pourquoi, Dieu est allé vers lui. Lui a donné la promesse du royaume. Il lui a dit que c'est à cause de l'idolâtrie qu'il va... Oui, on t'excuse là, c'est Sandra, que Dieu te bénisse. C'est à cause de l'idolâtrie que Dieu va ôter le royaume, diviser pour donner une part à Jéroboam. Et on lui a dit ça face à face, que c'est à cause de l'idolâtrie. Suivons-le maintenant. On y va. Chapitre 12. Je vais vous expliquer l'affaire donc, maintenant, avant qu'on y commence. S'il vous plaît, prenez le temps de lire les Saintes Écritures. Prenez le temps de lire les Saintes Écritures. C'est hallucinant les choses qui sont cachées. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je vais vous dire quelque chose. Écoutez-moi très attentivement. Je vais vous expliquer et puis on va aller lire rapidement. Maintenant, le royaume donc, va finalement se diviser comme vous avez vu là. Lorsqu'il va prendre sa décision, Roboam va prendre sa décision. On va dire que à tes tantes, Israël, chacun rentre sur lui, que lui-même pouvoir mener dans sa maison. Ce qui fait que plus tard, Robin va envoyer Adoram le proposer de quoi, le chef des impôts, d'aller collecter les impôts là-bas, les payer, que depuis on n'a pas payé vos impôts, c'est comment? Vous ne payez plus les impôts, on va le chicoter comme ça, il va rentrer rapidement. Et le roi Robin va confirmer maintenant que désormais, il n'y a plus de pas avec eux. Et ceux donc du nord, le peuple d'Israël va donc prendre Robin, Jéroboam, pour faire roi du royaume du nord. Alors, dans ces cas, alors, c'est consommé maintenant entre le royaume du nord maintenant et le royaume du fils. L'antagonisme entre l'idolâtrie et la soif de servir le vrai Dieu avec l'idolâtrie criminelle peut commencer maintenant entre les deux royaumes. C'est à partir du moment dont le premier roi, la nation d'Israël se divise après la mort de Salomon. Le royaume du nord, c'est Jéroboam. Souvenez-vous, il y a deux Jéroboam là-bas, il y a Jéroboam 1 et Jéroboam 2. Il y a Jéroboam d'abord, fils de Nébat, qui hérite en premier lieu du royaume du nord. C'est le premier roi du royaume du nord. Roboam, c'est le fils malheureux de Salomon qui a hérité d'un trône avec le charbon ardent de feu issu de son papa. Alors, lui, il est le premier roi du royaume du sud. En bas, vous allez avoir Judas, Ozias, Ézéchias, Manassé, etc. qui vont hériter là-bas. Jusqu'à ce que les rois disparaissent comme Dieu avait promis qu'ils devaient disparaître. Maintenant, écoutez très attentivement. Dieu a dit tout à l'heure là que c'est à cause du fait que Jérusalem, c'est la ville qu'il a choisie, qu'il ne va pas détruire le royaume totalement entre les mains du fils de David. Alors, le problème maintenant, c'est que Salomon avait bâti le temple à Jérusalem. Et le temple, quand il a bâti cela, si vous prenez le temps de lire le livre de 1 Samuel chapitre 1, roi chapitre 7 et chapitre 8, à l'inauguration de cela, tout le peuple juif sera là-bas et ils ont reconnu clairement que Dieu était dans le temple qui était là-bas à Jérusalem. Mais le vrai problème là, c'est qu'après la scission, donc, le royaume du nord, c'est le vrai Dieu. Et des commandements, et écoutez bien, je veux toute votre attention. Et le commandement de ce Dieu-là dit que chaque fois, si vous prenez le temps de lire Exode et Lévitique, trois fois par an, tout mâle parmi vous doit monter à Jérusalem. Ça veut dire que, malgré qu'il y ait la scission, il ne pouvait pas diviser le temple en deux. Dieu n'a pas dit que, okay, comme vous avez créé la scission, il faut que le peuple du Nord construise sa part de temple. Le temple restait à Jérusalem, dans l'autre royaume, dans le royaume contrôlé par Roboam. Et ceux d'Israël qui étaient en haut au Nord, sous la gouvernance de Jéroboam, venaient chaque année, donc trois fois par an, aussi à Jérusalem. Ça veut dire que c'était un pays qui était divisé et qui avait la même affinité dans les choses de Dieu, et que au moment de la chose de Dieu, devait se réunir à Jérusalem, et après chacun rentre chez soi en étant gouverné par deux royaumes. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Alors, le fait que les gens vont quitter chaque fois le nord pour aller à Jérusalem, chaque fois ça va amener encore une autre convoitise dans le cœur de Jéroboam premier, le fils de Nébat. Il va susciter en lui quelque chose. Vous vous souvenez que dans mon développement ici, lorsque j'avais parlé de Moïse qui avait détruit le veau d'or et fait boire au peuple d'Israël, j'avais dit qu'ils avaient mis quelque chose en eux qui pouvait ressortir plus tard, n'est-ce pas, frère? Je ne sais pas si là. Exactement. Pas, vous m'entendez vraiment bien? Vous m'écoutez? Vous m'écoutez, mes frères? Oui. Ok, bon. Oui, parce que je ne veux pas cause pour parler dans le vide. Maintenant, je lis à partir du verset 25 du chapitre 12. Je lis à partir du verset 25. 1 roi, chapitre 12, à partir du verset 25. La Bible déclare, Jéroboam bâtit... Vous m'entendez? Je vois ici écrit sur mon écran, qualité du réseau médiocre. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, Oh là là, je suis désolé. Comment ça va? Je suis désolé. Donc nous sommes dans 1 roi chapitre 12 verset 25 et suivant. Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm. Et il y demeura, puis il en sortit et bâtit Pénuel. Maintenant verset 26, écoutez. Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son seigneur, à Roboam, roi de Juda. Et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après s'être consulté, le roi fit deux veaux d'or. Vous avez moi? Oh mon Dieu. Oui. Le roi fit... Le roi fit deux veaux d'or et il dit au peuple, assez longtemps vous êtes monté à Jérusalem, Israël. Écoutez bien la chose la plus terrible qu'un juif puisse poiler sa bouche. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Vous vous souvenez de cette phrase-ci qui a été prononcée par Aaron, n'est-ce pas? Vous y êtes? Oui, frère. Oui, oui, oui. Lisez-moi le verset 29 et à 30, 31 maintenant. Il plaça un de ses veaux à Bethel et il mit l'autre à Dan. Soulignez Dan. Et cela fut une occasion de péché. Car... Et cela fut une occasion de péché, car le peuple allait jusqu'à Dan pour se prosterner devant l'un des veaux. Voilà. Il fit aussi des maisons dans les hauts lieux et établit prêtres pour tout le peuple qui n'était pas des enfants de Lévi. Voilà. Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Moïse concernant les gens qui pécheront de cette façon encore devant lui? La France dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Je crois que maintenant, vous savez le pourquoi le nom de Dan ne figure pas parmi les 144 000, n'est-ce pas? Amen. Exactement. Amen. Amen. Amen. Amen. Mais il fallait que je prenne toute cette tenue-là pour vous faire assimiler cela. Je suis désolé de la qualité du réseau parce que j'aurais souhaité vraiment plonger dans différentes racines, différentes, aller vous les construire totalement. C'est profond, hein, frère. Quand on pose une question, on ne sait pas que c'est assez consistant comme ça, en fait. C'est comme si on attend seulement que tu dises oui ou non. Et puis... Pourtant, c'est tout un enseignement. C'est comme un mélange, c'est comme une composition de bongo, frère. C'est comme la composition du bongo. Non, c'est trop fort, c'est trop fort. C'est trop fort. Et ça, les canons partaient à l'école, toi, tu étais seulement dans le monde de la Bible, frère. La grâce. Tu entres dans les veines, les réseaux, les trucs, mais les demandes, tu fais comme comment, non? Mon frère, ma fille a dit que tu as... On dirait que tu as bu la Bible. Pardon, ma soeur. Mais, tu as bu l'eau du rocher? Non, il a bu l'eau pure. C'est pas l'eau du chicor. Hein, mon frère, tu n'as pas bu l'eau du chicor. Tu as bu l'eau pure. Frère, avant que j'oublie, je tiens à te féliciter et féliciter vraiment la grâce que le Seigneur met sur toi pour la maîtrise, en fait, la maîtrise de soi, parce que j'ai écouté l'enseignement, enfin, le débat à Dieu Bonne, par rapport au fait que certains pasteurs disent que le président va mourir et tout ça, par rapport à ce que l'autre disait, il voulait te pousser à bout pour que tu dises quelque chose, mais tu t'es vraiment maîtrisé. Et pour ça, franchement, je te félicite et je rends grâce au Seigneur. Le jour qu'on va t'appeler à la radio, tu vas voir, non? écoutez très attentivement. Quel que soit ce que les hommes peuvent faire, on peut dire des choses qui sont logiques, bonnes dans l'entendement humain. Très logique, qui semble proche de la vérité. Mais si ce n'est pas la vérité, c'est zéro. Prenons quelqu'un qui vient entre Salomon, Jéroboam et autres, et il regarde Salomon. Ou bien quelqu'un qui regarderait Salomon de l'extérieur avec les femmes qu'il avait. Il va porter quel jugement sur Salomon? S'il regarde Salomon en construisant le temple, Salomon va donner l'ordre au prince de construire le temple. Et il va regarder à l'église d'Astarté, puis là-bas, l'église d'Osiris et Isis. Quand vous allez le regarder, vous allez dire quoi chez vous en disant que non, Salomon a dévié. Il a dévié de la foi, n'est-ce pas, sœurs et frères? Exactement. Mais la vérité, c'est que quelque chose s'est passé entre lui et Dieu. Donc, on fait attention. Donc, toutes ces choses que les hommes bavardent sur la terre, où les gens prennent les choses, développent, disent des choses qu'ils ne comprennent pas, c'est leur problème. Si Dieu ne t'a pas envoyé faire quelque chose, tout ce que tu fais, c'est l'ordre de un. si Dieu ne t'a pas envoyé. En tout cas, on va y entrer, on va vérifier cela véritablement dans les Saintes Écritures. Donc, en clair, dans Apocalypse chapitre 7, les 144 000, voici le pourquoi Dieu a ôté le nom des Dan. On aurait souhaité, prenez le temps de lire Juges chapitre 7, 8 et 9. Vous allez voir que la même chose va arriver à Dan. Quoi, comment il s'appelle? Le fils de Jérubal. Jérubal, il s'appelle Gédéon. Vous allez voir effectivement qu'il va prendre les Ismaélites là-bas, prendre leurs boucles d'oreilles ou là-bas, il va faire un effort, mettre là-bas, ça va encore être un objet de suite de prostitution quand il va mourir. Le boucle d'oreille. La France dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir. On prend une respiration musicale et puis on revient, d'accord? Amen. Que Dieu bénisse, que Dieu bénisse. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Dans les champs d'amour, un enfant racheté, je prendrai mes faibles mots pour te dire quelque merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Et pour le chemin, alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends les chants d'amour, d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Pour te dire quel Dieu m'aime.